viens de rôter. Ah, vaut mieux le faire avant. Moi, ça me dérange pas. Autant l'épée, j'ai du mal. Ah, mais non, je suis pareil. C'est... Alors, il y a deux teams. Hein. Ouais. Moi, l'épée, ça me dégoûte. Ah, moi, ça me dégoûte aussi. Ouais. Bah, moi, j'ai tout un passage merde, où je parle d'épée, où je dis, c'est pas possible. Oui, parce que ça sort d'un cul. Oui. Et ça pue. Et ça sent la merde. Oui, ouais, voilà, c'est ça. De toute façon, si ça sent la merde, c'est qu'il y a des particules de merde dans ton nez, quoi. Ouais. L'odeur, c'est ça. C'est des particules du truc. Oui, mais bien évidemment. Mais les gens qui sont défenseurs d'épée te disent oui, mais l'euro, c'est pas. Non, elle a pas fait un trajet dans ton cul. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Non. Il passe par là où tu manges, voilà. Qui est un endroit plus propre. Et puis c'est instantané, quoi. Mais c'est drôle. Pardon, mais c'est drôle. Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère. Floodcast. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle, hein, de toute façon. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans... Oh. on dirait Lucifer, malin. Je suis Mephisto. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Floodcast. Il s'agit... d'un nouvel épisode. Tu dis plus le 14e parce que cette blague t'énerve, je pense. Non, beaucoup de gens la reprennent maintenant. Alors on essaye d'avancer. C'est de la merde ou quoi? Nouvel épisode avec, comme à l'accoutumée, trois invités. La première, si on oubliait le U de son prénom, on pourrait croire qu'elle est une brebis célèbre pour être le premier mammifère cloné de l'histoire à partir d'un noyau de cellules somatiques adultes. Mais il n'en est rien. Elle est en revanche le premier mammifère féminin à être comédienne, humoriste et journaliste à l'étranger. Puisqu'elle informe la France de l'actualité de la principauté du Groland, il s'agit de Douli. Bonsoir à tous. Bon voilà, en traînant sur internet, je suis tombé sur ce vidéaste cinéma qui faisait des chroniques sur des personnalités et racontait des anecdotes méconnues sur ce 7e art. Sa chaîne YouTube s'appelle Tales from the Click, il vient de sortir un super livre nommé « Sans film, sans histoire », il a aussi un podcast nommé « We love TFTC ». Alors entre ce que je savais et ce que j'ignorais, voici plusieurs coups de droit sur Jean-Baptiste Toussaint, un beau salaud. Oh je l'ai. Magnifique. Comédienne et auteur, on l'a vu au cinéma dans Divorce Club, Inséparable et plus récemment Envole-moi, elle lance aujourd'hui son programme court sur Canal+, Ils ont dit, dans lequel, et je cite Paris Match, elle se gosse des fake news. Toujours écouté Paris Match. Trump en tueur, il paraît. En grec, son prénom veut dire éclat de soleil. Bonjour le melon, c'est Ornella Fleury. Salut. Adrien a bu un verre en même temps, il s'est étouffé. C'est le nouveau phénoménal freestyle du visage pâle. Le Babtou est de retour à Artung. C'est parti, ça vient de Saint-Germain-en-Laye. Tu crois que tu les as grosses, mais teste pas le double L, le mortel. L'expert de la maison miel, à qui tu la feras pas à l'envers. Vegan, c'est clair. Il est slick, super buff, big bien up évité. À lui-même. C'est Adrien Méniel. Ouais. Tu as évité un écueil grâce au mot vegan. Je suis parti sur autre chose. C'est vrai qu'elles sont très grosses. Merci beaucoup à tous d'être venus. Il fait déjà très chaud. Je vais immédiatement la fenêtre. Ah, et c'est voilà. Déjà très agréable, bien sûr. Bien sûr. Tout va mieux. Et pour commencer, on fait le jeu de l'actualité. Les news du Floodcast. Et oui, chers amis, alors il y a une actualité un peu folle dans le monde. Vous allez jouer avec moi. Un enfant est né en Irak avec une particularité physique assez particulière. À votre avis, laquelle? Deux têtes. Il a pas de deux têtes. Ouais, mais il a des membres en plus. Il a des membres en plus. Ouais. Oui. Deux bites. Pas loin. Quatre couilles. on était très très bien sur la bite. Il a pas de bites. Trois glands. Non. Mais ah. en fait, si, c'est une bonne réponse. Il a trois glands. Il a trois pénis. Ah, trois. Ah ouais. Non. Wow. Mais collé ou dissocié. Alors attention, je vais vous expliquer. C'est un bébé de 3 mois qui a été amené à ses parents. Un mois par bite. T'imagines quand il aura 25 ans. qui souffre d'une anomalie jamais vue au niveau des parties génitales. Ce sera une première mondiale apparemment. Un bébé de 3 mois. Selon l'un des membres, il était doté d'un urètre à l'intérieur, donc fonctionnel. Ça, c'est très bien. Ça s'appelle la triphalia. C'est-à-dire qu'il est né avec 3 pénis. Les deux autres corps caverneux et spongieux ont alors été excisés et suturés. Donc après, il n'a plus que un. Ah oui, d'accord. Ils ont retiré les deux autres. Mais oui, cool, les deux. Ça a été fantastique. Ah, donc il les garde pas les deux bites, les deux autres bites. Bah peut-être en pendentif, oui. Mais il ne les garde pas. En marionnette à doigt, c'est. C'est quoi ce truc tout sec au cours de ton cou? Un souvenir d'enfant. Un parce que si tu les gardes les trois, ça peut faire comme une flûte de pan. Il y avait eu un truc sur Reddit, un mec qui disait qu'il avait deux bites. Et il avait fait un question-réponse et tout, et Mais lui, il avait deux bits fonctionnels et tout. Ah, parce qu'il me semblait dans mes mémoires. Ouais. Dans mes mémoires. Je sais pas dans si c'était une fake news. Dans tes mémoires que tu as écrit il y a quelques années. Tu vas peut-être te gosser parce que ça se trouve c'était une fake news. Mais... sache que je me gosse. Et pas que des fake news. D'accord. Mais il me semble que c'était vrai, quoi. Bah, le mec avait posté une photo et tout. Dans mes souvenirs, il me semblait que justement il y en a un avec lequel il pouvait genre procréer, voilà, et l'autre servait uniquement à pisser. Non mais c'est génial, génial. Ouais. Ouais. Parce que tu peux pisser et procréer en même temps. Oui, c'est ça. Oui. En tout cas, content que vous ayez fini ma phrase parce que je l'assumais pas trop et du coup. Non, mais apparemment, selon les auteurs de cette étude, les pénis qu'on appelle surnuméraire, exactement, c'est une anomalie congénitale extrêmement rare parce que ça affecte une naissance sur 6 millions. Donc, ah oui, c'est donc c'est vraiment. Donc, imaginez 3. Alors là, c'est vraiment très très. Hein. Vous auriez pas pu inviter Lady Di à ce podcast. Pourquoi Lady Di. Lady Di, ça commence sur des bases. Ah oui, d'accord. Ouais, oui, c'est pas très propre, pas très. Oui, oui. C'est un floodcast. Ouais. Oui, oui. Non, mais après, je crois que c'est le plus cul que j'ai là. Pas du tout. On est dans... Excusez-moi, pardon. Pardon, excusez-moi. La chiasse d'un Irlandais avec une couleur. Pour réduire les gaz à effet de serre, qu'est-ce que des scientifiques ont préconisé? Aide-moi à péter, mon pote. Ouais, ça... Ben non, pas du tout. Ça a rien à voir avec les pets de vaches. Non, mais ça a à voir avec les vaches, mais pas avec les pets de vaches. De manger de moins leur, de viande. Ouais, de leur non. donner une autre alimentation. Non, ouais, non. De leur donner du charbon. Non, c'est pas ça. Attends, dans l'eau, qu'est-ce que ça pourrait être, ça? Bah, comme dans, là, oui. Dans les abreuvoirs, un énorme bloc de charbon. Bah attends, c'est fou ça. Mais ça concerne, ça, les ça concerne les vaches. Ça concerne les vaches, même si effectivement tout ce que vous dites a sûrement un effet plutôt ouais. cool de arrêter de manger de la viande tout ça. Est-ce que c'est leur mettre un capteur de paix sur le cul? Non, ça. Alors oublie les paix. Hein. Ah, okay. Oui, ça n'a rien à voir avec les paix. Ouais. Mais ça a à voir avec la vache en elle-même. La vache et oui, et le prisonnier, j'ai envie de dire. Arrêter de. Mais c'est pas très insolite, mais on va trouver des pistes, mais c'est peut-être sur le transport des vaches. Non, mais c'est pousser les vaches à faire quelque chose. Tu t'indices. Bah, acheter une voiture électrique au lieu d'acheter un indien. Non, c'est pas ça. Mais c'est les dresser à faire quelque chose. Attends, mais c'est incroyable. Qui réduirait. Déjà, dresser une vache, parce que je ne savais pas qu'il était possible. Oui. Faire. Détruire les voitures. Non. Pour qu'il y en ait, ouais, faut qu'il y en ait moins. Un truc qui, du coup, les dresser à faire quelque chose qui aurait des conséquences sur l'écologie, quoi. Enfin, bien sûr, exactement. Oui. À courir. Non, un peu quoi, à s'entretenir un petit peu. Oui, parce que quand même elle se traîne. Oui, c'est vrai, et puis elle bouffe beaucoup. Bah oui, c'est quand même. Non, mais alors, j'ai dit que c'était pas les paix, mais on est un peu la dans merde. L'univers. Non. Du prout quand même. Non, pas du prout, mais non. De l'alimentation. De l'alimentation et de ce qui en résulte. Ah, on est sur le caca. Le pipi, on est ouais. ne pas pisser plus le à des, pipi. Ce à des rivières. C'est le pipi. Alors, c'est un peu ça, mais c'est. Alors, pisser dans un réservoir pour recycler leur urine, c'est rigolo, mais exactement. Des toilettes mais de arrête. Vaches. C'est dresser les vaches pour faire pipi dans des toilettes. Mais alors, non. pas des toilettes. Mais quel est l'intérêt voilà, et toilettes. Elles prennent la petite spatule avec. Donc, il y avait l'urine noire pour faire les festoches. De boîte. L'urine noire pour vaches. Bah, alors, non, alors, il n'y a pas. C'est pas expliqué encore comment ça fonctionne, mais c'est une équipe de chercheurs néo-zélandais et allemands qui ont bien dû l'admettre, j'aime bien l'expression, ils ont bien dû l'admettre. Oui, bah oui. L'expérience a commencé par une blague, mais la gestion de l'urine bovine, riche en azote, pourrait à long terme présenter de vrais avantages pour le climat si nous pouvons mais recueillir. Alors ça, c'est. Oui. Dis-y, vas-y, chante. Non, mais en fait, mon ancien voisin du dessous. Est une vache. Est une vache. Et il pissait toujours à côté de la cuvette. Non, il était scientifique et spécialisé dans l'urine. Et du coup, il nous racontait que lui, son truc, c'était que l'urine. Non, mais genre pour l'agriculture et tout. Moi, j'ai toujours pensé que si tu pisses dans des plantes, elles crèvent. Ouais. Mais lui, apparemment, justement, parce qu'il y a, je sais pas quel oligo-élément. Ouais, et en gros, que il fabriquait des chiottes justement qui récoltaient l'urine pour la machin. Donc. Mais cela dit, là, ils disent pas comprendre. Que l'urine est avantageuse. C'est justement la traiter en fait. C'est ça qu'ils disent. En liquide. Sous-texte. C'est vraiment parce que c'est-à-dire que ton voisin, un premier date, il dit je suis spécialisé dans la pisse. Bah, en tout cas, premier c'est son date métier, avec ses voisins, ouais. Oui, bah. Parce que des grandes chiottes, quoi. Bah oui, alors j'imagine. C'est parce que selon Monsieur Elif, c'est son nom, l'azote contenu dans l'urine de vache se décompose au fil du temps en deux substances problématiques, l'oxyde nitreux, un puissant gaz à effet de serre. Et Zemmour. Oh, dans ta bouche, le mec. Et le nitrate qui s'accumule dans le sol puis s'infiltre dans les rivières et les ruisseaux. Ah, ouais. S'ils arrivent à réduire ça, pas mal. Ah voilà, d'accord, c'est pour j'avais ça. Quand même dit pisser loin des rivières. Hein. Oui, donc, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Qui est une chanson de trio aussi. Ouais. Les soldats ont utilisé de la nourriture comme récompense afin de dresser 16 veaux à uriner dans un enclos à latrine, assurant que les résultats sont comparables à ceux attendus d'un enfant de 3 ans. L'étude publiée cette semaine dans la revue Current Biology apporte la preuve du concept sur la possibilité d'apprendre à une vache à uriner dans des toilettes. Elle ne tient pas la chasse. Mais elle ne tient pas la chasse, c'est grosse dégueu. Muriel Blondel, vous savez pas qui c'est Muriel Blondel, et bien pourtant elle a gagné pour la 3e année consécutive un concours assez spécial. En quoi consiste-t-il? Muriel Blondel. Muriel Blondel. Elle est française, cette dame. Elle est française. Cocorico. Est-ce que ça concerne des coupes de cheveux? C'est un nom de coiffeuse? Non, ce n'est pas. Mais c'est vrai que c'est un peu un nom de coiffeuse. Elle a gagné Blondel. Un concours, c'est ça? C'est un concours, trois années consécutives, hein, quand même, qu'elle gagne. Est-ce que ça a un rapport avec la nourriture? Très bonne question, wow. Dornella Fleury. Ça a tout à fait un rapport avec la nourriture. La bien plus sûr. Longue baguette? Non. La plus immense soupe? Non. Est-ce que c'est sur les plus gros trucs ou les plus. Alors, c'est pas un gros truc qu'elle a fait. C'est un gros truc. Ah, une mangeuse. C'est une mangeuse. Muriel Blondel, la mangeuse, hein, d'ailleurs. Pas hot c'est, dog. C'est un record de quelque chose de qu'elle frites. A mangé. Exactement. Pas de frites. Mmh. Mais c'est un record de quelque chose qu'elle a mangé. C'est sucré ou salé. C'est le nombre. Le nombre ou ouais, le poids, dirons-nous. La quantité. Enfin, la oui. quantité. Okay. Sucré ou salé. Plutôt sucré. Popcorn. Non, pas popcorn. Glace. Chocolat. Sundae. On se rapproche. C'est pas ça. On se rapproche. Fromage. Des de bonbons. Cornetto. C'est la plus grande mangeuse de fromage blanc. Ah. Sachez qu'elle a ingurgité ouais, ça dégoûte. 1 kilo la minute. Oh. 1 kilo de fromage blanc en une minute. Oh, Muriel Blondel, la grosse mangeuse. Alors bon, je vous passe la les photos. La grosse dégueuleuse surtout, je pense. Elle après. Avait déjà remporté le concours il y a 7 et 12 ans, donc ça fait quand même longtemps qu'elle y travaille. C'est incroyable, ça veut dire qu'elle a dédié sa vie à manger du fromage blanc. Vraiment, je vois un montage, un training montage, tu sais. Alors, elle se défend en disant que c'est parce que les gagnantes ne peuvent pas participer dans les 5 ans qui suivent leur victoire. Sinon, elle, chaque année, elle aurait défendu le truc. Bien sûr. Attends. Alors attention. Non, non. 7 et 12 ans, donc c'est bon. Ça. Bien qu'elle n'ait. Excuse-moi, t'es intransigeant. Ah, je sais absolument. Bien qu'elle n'ait pas battu le record du meilleur chrono, Muriel a quand même avalé pas moins d'un kilo de fromage blanc en une minute et 15 secondes. Mon Dieu. 15 secondes en plus. Est-ce qu'on traite sa pisse un énorme trou dans l'effet de serre derrière. Selon les informations de la Thierrache, bon, un magazine inventé, j'imagine. Oui. Mais elle a remporté grâce à ce prix 20 bouteilles de champagne. Donc quand même. Attends, ça vaut le coup quand même. Ouais, ça vaut le coup. Faire chier pendant 5 ans. Est-ce qu'il y avait d'autres concurrents? Parce que oui, non, il y avait d'autres concurrents. C'est vrai que c'est une bonne question. Et oui, ils étaient près de 2000. Ouais, c'est clair. Ils étaient deux. Du monde entier. Oui. Non, Muriel a déclaré en toute simplicité, et en même temps, il faut dire que Muriel est d'une grande simplicité dans la vie. Bien sûr, on l'adore. Crème. Bah oh, joli. Fromagement. Oh, je te chope la gorge. Ce midi, j'ai mangé une moule frite. Voilà, petite blague de Muriel. Malheureusement pour la grande championne. Ça blague. Ouais, ouais. Bon, elle n'avait pas gagné un concours du mouvement. Non, mais c'était pour dire qu'elle n'avait pas mangé beaucoup avant d'ingurgiter tout ce fromage blanc. Bah, c'était ça. Au contraire, non? Si elle a bouffé des moules ouais, frites, au contraire. Une moule. Ah oui, vous pour moi, c'est pour dire. Bah, en plus, j'ai bouffé beaucoup, quoi. Ah oui, c'est une grosse ça. Mangeuse, oui. C'est ça qu'elle veut dire. Putain, mais quelle mangeuse. Donc en fait, elle a du panache, ça. Non, du champagne. Attends, elle est extrêmement drôle, finalement. Bah, tu vois, au final, on jugeait. Malheureusement pour la grande championne, c'était sa dernière participation. Car le concours est réservé aux moins de 60 ans. Beaucoup de règles hein, dans le concours. Bah, c'est, ouais, c'est très précis. Pourquoi peut-être qu'il y a un risque de mort. Peut-être qu'il y a un risque. Peut-être. Franchement, allergique au lactose maintenant. Ouais, c'est ça. T'imagines, elle s'en rend compte après, la pauvre. C'est sûr. Contre 1 280 €, vous pouvez louer une propriété bien particulière sur Airbnb. À votre avis, quelle est cette particularité? Est-ce que c'est en France? 1 280 €. Par jour 180 €. Alors je sais pas, j'ai un peu fait ça à la main comme je te pousse. Bon, bah voilà. Est-ce que alors, c'est la, ouais, est-ce que c'est la forme du lieu qui non. est le lieu en lui-même? Le lieu en lui-même, c'est vraiment sur le lieu en lui-même. Alors c'est le la contexte, nuit, pardon, 1 280 € la nuit. La nuit, est-ce oui. que c'est pas un donné, hein, c'est toujours la nuit. On est à Paris? On n'est pas à Paris, je peux même te donner à la limite la ville. Est-ce que c'est dans un Finistère. Musée. Finistère. C'est pas dans un musée. Est-ce que c'est un lieu hanté? Dans ce Finistère, pas dans cet autre Finistère. Non, d'accord. Non. C'est dans celui-là. Est-ce alors, c'est pas un lieu hanté, mais peut. Enfin voilà, moi je crois pas au tout hanté, mais c'est pas vendu comme quelque chose de hanté. Okay. Ce n'est pas un phare non plus. Est-ce qu'il y a eu des meurtres à l'intérieur? Enfin, est-ce qu'il y a une histoire un peu, tu sais, un y a truc une histoire. Un peu. Ouais, d'accord. Et un peu sombre. Voilà, ouais. Un peu sordide. C'est pas un château. C'est une ancienne. Ah merde, un ancien hôpital psychiatrique? Est-ce que c'est chez moi? Parce que je le loue 1 200 €. Un truc troglodyte? Non, pas troglodyte. Pensez histoire, hein, c'est lié à l'histoire de France. L'histoire. Quelqu'un c'est aurait vécu Henri IV, là-bas, quelqu'un de très vers Saint-Gétorix. Non, plus Napoléon. Récent. Plus récent que ça. Mais un rapport avec le Finistère ou. Pas du tout. Ah, d'accord. Non, non, ça c'était plus et pour ben, le placer. La maison de campagne de Dupont de Ligonnès. Non. Dans, le, dans laquelle il vit encore. Il est dedans, c'est pour ça que c'est cher. Quelqu'un a été tué dedans. Alors. Peut-être, l'histoire ne le dit pas, mais vu l'histoire oui. de cet endroit, peut-être y a-t-il ça eu des ça appartenu à un tueur célèbre. Non. C'est un château. Mais on est vraiment pas loin. C'est pas un château. Ravaillac. Non. J'adore, mais longtemps que j'avais pas entendu Ravaillac. Est-ce que ça a été squatté par Hitler? Ouais, un je te l'accorde, c'est pas non, ça, mais c'est. Non, non, mais c'est pas loin, c'est un bunker. Ancien bunker nazi. Voilà. Ah oui, d'accord. Tout simplement. Mais il y en a plein dans ma ville natale. Ah oui? Oui. Faut dire que tu c'est Berlin, ta ville. Non, Saint-Germain-en-Laye. Saint-Germain-en-Laye, c'était si je dis pas de conneries, mais je pense que personne ne me corrigera si je fais une erreur sur Twitter tout ça. Non, c'est pas le genre des gens d'internet. Non, non, mais c'était un peu genre un pôle de communication des nazis pendant l'occupation, quoi. Donc il y a d'immenses bunkers qui étaient vraiment même genre dans la maison où j'habitais. Ouais. Il y avait le mur qui séparait notre propriété de celle d'à côté, et il y avait des meurtrières. Sur le coin du mur, parce que bah il y avait un bunker nazi de l'autre côté, quoi. Ah, oui, tu racontes ça comme une fierté, c'est cool. C'est non, mais dans la ville, c'est génial. J'ai grandi dans la violence. Après, c'est Saint-Germain en l'air, oui. C'est assez incroyable. Comme... Non, mais c'est fou. Ah, bah, oui. Dans le jardin, tu vois, t'avais vraiment des meurtrières dans le coin du mur de ma maison d'enfance, quoi. Bah, là, c'est la commune de Saint-Pabu, tout simplement. Et tu peux dormir dans un bunker pour 1 280 €. Ouais, un bunker de 400 mètres carrés. Ah, attends, c'est pas mal quand même. Situé 12 mètres sous le sol, quand même. Le vendeur avait tout mis en place pour le cacher, pour bien l'enterrer, pour pouvoir bien présenter son terrain. Oh là là. Parce que dessus, en fait, lui a acheté le terrain par-dessus, 900 mètres carrés de terrain, pardon. Ouais. Il a fallu tout vider, ça nous a pris 2 mois en faisant appel à 8 personnes. Le blocos, qui est composé de 22 pièces sur 2 étages, est alors déterré pour ensuite être vidé et rénové. Le nouveau propriétaire le transforme tout en gardant l'ambiance particulière du lieu, ce qui est une phrase un peu étrange. Ah oui, c'est ça. C'est bizarre. Il faut quand même garder l'ambiance un peu nazi, quoi. Ouais, un petit peu nazi. Ambiance nazi, quoi. Je suis sûr qu'on a envie de croiser les gens que ça intéresse. Ouais, ambiance nazi, danse de. Je l'ai pas. De paparazzi. Oh, joli. Sur les 70 bunkers de la commune, ce dernier est plutôt exceptionnel. Il s'agissait en effet du poste de commandement qui servait à la détection aérienne dans les environs. Oh, il est complètement différent des bunkers que l'on peut connaître, nous indique Serge. Et on les connaît tous, Collion. D'ailleurs. Ouais, bah moi, quelques-uns. Bah oui, Adrien, oui. Quelques-uns. Deux formules sont proposées pour aller dans le bunker d'anciens nazis. La première permettant à 6 personnes de passer la nuit au premier étage du bâtiment pour environ 350 €. Mm-hmm. L'autre qui donne la possibilité d'organiser une fête dans l'ensemble du bunker avec la présence d'un agent de sécurité. Je sais pas mais pourquoi. Nazi. En uniforme. Oui, bien sûr. Hélas, un capot. Bah, bien sûr. Et c'est là où ça revient à 1 280 €, auquel il faut ajouter 200 € pour l'agent, quand même. Voilà, ah, il y a les flics qui arrivent pendant que je parle de ça. Ouais. Savez-vous qui sont Chris Sambroski, Sian Proctor, Jared Isaacman et Hailey Arsenault? Des gens que tu viens d'inventer. Non, non, ils existent tous, ils ont fait l'actualité cette semaine. Des gens dont on a envie de faire des jeux de mots à chaque fois. Oui. Sian Kojandi, Arsenic, je sais plus. Chris Sambroski, les bronzés. Ah, mais attends, j'ai pas entendu le début de la question. En gros, j'ai donné 4 noms. Chris Sambroski, Sian Proctor, Jared Isaacman et Hailey Arsenault. Ces 4 personnes ont fait l'actualité cette semaine. Mm-hmm. Ont fait quelque chose d'un peu exceptionnel dont vous avez sûrement entendu parler, à votre avis, quoi? Tous ensemble. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Tous ensemble. Tous ensemble, tous ensemble, ouais. Et oui. Il y en a un qui s'appelle Proctor. Non, alors c'est pas par rapport. Proctor, oui. Proctor qui est un peu un méchant de Power Rangers qui visite des anus, visiblement. Et non, alors ils ont fait quelque chose, oui, d'assez exceptionnel. De sportif? Pas sportif, mais quelque chose effectivement de très physique. Ils ont traversé la Méditerranée à la rame. Ah, oh, mais c'est pas, oh, c'est pas elle. Non. Eux, c'est pas trop dans la mer, mais ils ont fait un truc exceptionnel. Dans l'air. Surtout dans l'air. Ils ne sont pas français. Ils ne sont pas français. Saut en parachute. Wingsuit. Comment on dit? Ah, une wingsuit. Wingsuit. J'ai su prononcer ça. Tu fais du wingsuit? Non, ils n'ont pas fait du wingsuit. Will Smith. Will Smith. Ils ont imité Will Smith. Mais dans l'air. Mais dans l'air. Non, ils ont été dans les airs. Dans les airs. Pensez dans les airs. Dans les airs, c'est cette semaine. Vous avez sûrement entendu parler, je vous jure. Montgolfière. Dans les airs cette semaine. Non, plus haut que la Montgolfière. Ah, on est dans l'espace. Ah, c'est sûr qu'on fait le voyage sur Mars. Ah oui, alors pas du tout sur Mars. Bah, non, mais dans c'est le, les premiers le à être de... dans la navette. Ouais, dans le SpaceX. Exactement. Ils ne sont pas allés sur Mars, évidemment. Ah non, enfin, attends, c'est impossible pour l'instant. Ah oui, bien sûr. Ils sont revenus pour nous en parler. Pas encore. Pas encore, je crois. Il paraît que tout se passe bien. Il paraît que tout se passe bien. Alors, ce qui est assez exceptionnel quand même, c'est que la navette est pilotée depuis le sol. Ce qui est flippant, ah là, oui. je trouve. Il n'y a pas peu. De pilote à l'intérieur. Apparemment. Si t'as plus de commandant réseau, en c'est chef. Foutu, quoi. Ah oui, il y a un commandant, ils ne sont pas juste quatre non. cons dans une navette quand même. Non, non. Oui. Non, mais parce que. Bon. Mais c'est d'ailleurs, c'est pas des cons, puisque. C'est un tramway en fait. Mais... enfin, non, remarque, il y a des. Pilotes, c'est la ligne 14. C'est la ligne 14 de l'espace. Exactement. Non, alors apparemment, le commandant est un milliardaire qui s'appelle Jared Isaacman. Ok, parce que c'est lui qui est à l'origine du projet. Ouais. Cet américain est le PDG de Shift for Payments, un service de traitement des transactions par carte bancaire. Ils sont tous milliardaires. Hein, sachez-le, oui, bah, hein, on se doutait. Tu voilà. On n'avait pas posé la question parce que Jean-Jean du Limousin, père de deux filles et féru de pilotage, il détient quand même le record du, de tour du monde en jet. Ah, donc c'est pas juste ah, un oui, mec très riche, il a fait 2-3 trucs quand sûr. Même. Oui, bon. Un mec très riche. Il y a aussi un pilote qui incarne la prospérité. Voilà, quelqu'un de 51 ans. Attends, par attends, quoi, attends ouais. Ah ouais, ouais il faut pas. S'arrêter là-dessus. Qui incarne la prospérité. Oui, alors en gros, chaque genre, c'est membre. Des power-on... c'est des bisounours. Non, ils, ont... ils ont un arc-en-ciel ont un... sur ouais, le ventre. Ça s'illumine. La prospérité. Mais alors, bah, vous êtes tous milliardaires en fait. Donc, Il y a un peu de ça, sache-le, parce qu'en fait, chaque membre incarne quelque chose, en fait, une valeur. Ah, donc, je déteste. Donc il y a le commandant. Je déteste tout. Donc il y a. Attends, mais le commandant, il incarne quoi? Bon, lui, le commandant. Le pilotage. C'est ça. Leadership. Oui, c'est ça, c'est le siège du leadership. Incroyable. Ah, c'est vraiment ça. Putain. Bah, pense Macron, tu trouveras très non, vite bah, les quatre c'est, mots. C'est ce que j'ai fait. Sian Proctor, donc, c'est une ancienne candidate astronaute de la NASA. Appelons-la Appelons-la Trouble Woman. Comme toute son enfance. Trouble Woman. Elle est désignée pilote de la mission, encore une fois, pas pour. Mais bon, elle est dans la mission. Mmh. 51 ans, elle s'apprête à devenir la quatrième femme afro-américaine à aller dans l'espace, quand ah. même. Okay. Elle représente la prospérité. Mais encore c'est le même non, que c'est elle qui représente la prospérité. L'autre, c'est le leadership. Ah, ça n'a d'accord. Rien à voir. Ah. Okay. Ça n'a rien à voir. Je crois prospérité, dans le cadre d'une compétition d'entrepreneurs organisée par l'entreprise de Jared, donc ça, c'est le commandant, elle a gagné ce truc-là. Il y a le siège de l'espoir pour le médecin en chef, puisque c'est Hayley Arsenault, 29 ans, pardon. Survivante d'un cancer pédiatrique et devenue assistante médicale, c'est la première personne à aller dans l'espace qui a une prothèse. Voilà, tout simplement. Personne ne fait de vanne là, apparemment. Non, mais. Non, c'est fini, non, les vannes. Les vannes, c'est terminé là. Ah, ça chute. Tout le monde elle a une prothèse de quoi J'ai pas fait on assez de recherche. Pas, ouais, mais j'aime bien, c'est que c'est tous les premiers dans l'espace avec, tu vois. Première femme afro-américaine. Non, quatrième. Ah, quatrième. Ouais, bon, ouais, pas, ouais. Ma ça n'a phrase, rien à voir. Tu t'effaceras ça. Et enfin, un vétéran de l'armée pour représenter la générosité. Puisque c'est un militaire. Parce qu'il a fait des cookies pour tout le monde. Ouais, quand même il est gentil. Il a prêté son bunker nazi. Non, il a fait une donation dans le cadre de la levée de fonds pour l'hôpital Saint-Jude, organisée lui aussi par Jared Isaacman. En fait, c'est que des gens que Jared Isaacman donc, connaît. Connaît finalement. C'est Jared Isaacman et tu vas dans tout l'espace. Le temps. Quoi. En fait, Jared Isaacman a fait plusieurs trucs pour trouver les trois qui l'accompagneront. En fait, d'accord. C'est ça le concept. Donc, ils feront des expériences médicales à bord. Les quatre passagers n'auront aucun rôle à jouer dans le pilotage du vaisseau spatial qui sera dirigé par les équipes de vol au sol. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Une fois en orbite, les touristes spatiaux réaliseront une série d'expériences médicales utiles pour les futurs vols dans l'espace. Des données biomédicales et des échantillons biologiques seront également collectés auprès des membres de l'équipage avant, pendant et après le vol. Ça vous aurait tenté de faire ça ou pas? Ouais, c'est la question que j'allais vous poser. Vous iriez, vous? Non. JB, tu irais dans l'espace? Ouais, j'irais, ouais. Ah toi t'aurais envie. Moi j'irais ouais. aussi je pense. Bah je c'est fou sûre. Quoi. Tu me dis non mais non. Tu me dis c'est marrant là, il y a deux équipes. Des expériences médicales pour oui, les autres d'après. T'sais. Ah non moi j'y allais en touriste quoi. Ils se font découper après. Ah non moi j'oserais pas, j'aurais trop peur, j'ai déjà peur de l'avion, je fais pas enfin tu vois. Ah oui. Ah non tu me fais pas aller plus haut que ah, ça. Ouais. C'est pas par peur mais je sais pas, c'est Non par flemme. Ah non flemme c'est pas le temps moi. Faut se lever, faire des trucs. Non, par contre, la vraie question, c'est est-ce que vous accepteriez d'aller, d'être les premiers colons à aller sur Mars, tout en sachant que vous pouvez pas revenir sur Terre parce que le retour est impossible, quoi. Ça dépend. Donc c'est non pour dans moi. Quel mood je suis dans ma vie. C'est non. T'as intérêt à bien choisir deux mois, ton équipe, hein, chérie. Oui, mais tu... Et après là-bas, t'aurais, tu vois, comment t'aurais fait? Est-ce que t'aurais voulu rentrer? Bah, je suis pas sûr. Personne n'a envie de marquer l'histoire, là, apparemment. Ah non, faut pas compter sur nous pour faire avancer les choses. Non, non, c'est, on l'aurait déjà fait, tu vois, c'est ça. Oui. Non, mais moi, pour le coup, j'ai fait de la plongée, et ouais. ça se rapproche assez en termes de sensas d'aller dans l'espace, je trouve. Ouais, non, ouais, mais apparemment, en vrai, poisson. Non, ma soeur, elle a une piscaille dans le jardin. Quand tu. Hey, c'est comme Mars, hein, quand même. Bah, t'incarnes la prospérité à mes yeux, toi. Ah non, moi, j'aurais aucune envie d'y aller. Ah ouais, non, tu ah fais Space Mountain et puis. Oui, non, c'est ça. Mais sachez, ce qui est assez fou, c'est qu'ils sont au-dessus de Thomas Pesquet. En termes de. Oui, c'est vrai. Par rapport ils à la ils lui ont fait des doigts d'ailleurs, par le globe, j'ai trouvé ça pas ouf. Ils ont fait des photos en disant. Espèce de connard. Et il reste. Est-ce que tu sais combien de temps il reste Je crois qu'il reste pas si longtemps que ça. Hein. Je non, crois ouais, qu'il reste c'est une quelques. Balade, hein. Ouais. Quelques jours. Je crois que c'est quelques jours. Ah, hein. D'accord. Attendez, je vérifie, je couperai ça, ce petit temps mort au montage. Je sais plus si c'est des jours ou des semaines. Des semaines. Des semaines. Des semaines. Ce qui est très long. Un semaine, c'est très long. C'est dans l'espace, ça se mesure en durée d'un spectacle de semaine, en fait. Durée ressentie. Hein. C'est plusieurs années, oui, c'est ça. C'est ça, ils doivent passer 3 jours en orbite, exactement autour de la Terre, sans ah, aucun d'accord. astronaute professionnel à bord. Ce qui est quand même ça. C'est, ouais, mais c'est Tom Cruise qui va jouer dans l'espace bientôt. C'est ce qu'il veut, en tout cas. Attends. Je sais pas ah ouais, si ça va se faire. Il veut jouer un film dans l'espace. Il va tourner une scène dans l'espace pour Mission Impossible. Oh là là. Ça, pour moi, aucun intérêt, voilà, je vous le dis. C'est fou quand même. C'est fou, mais fou un fond vert, on a l'impression que t'es... c'est ça le cinéma en fait. C'est de tricher en fait, donc on s'en branle. Et une bonne leçon de prendre de l'argent dans la gueule. Non, mais c'est un truc d'ego, de merde de faire ça. De toute façon, il fait déjà toutes ses cascades, donc c'est vrai que lui, je pense qu'il a envie d'aller encore plus loin. C'est dans la lignée de ça quoi. Oui. Mais son rêve était d'être astronaute quand il était petit. Mais je pense que c'est. Je l'emmerde, moi. C'était d'être une merde aussi qui séquestrait des femmes au nom de la scientologie ou quoi. Ça balance ici à fond. Son rêve était d'être milliardaire également, donc du coup c'est bon, lui il peut. J'ai l'impression que Tom Cruise va pas avoir froid parce qu'il est rhabillé pour l'hiver. Et en plus il a les oreilles qui chauffent. Oh là là. Vous l'avez sûrement vu passer, Laetitia Hallyday a pu réaliser un rêve de gosse. Est-ce que vous savez oui, le j'ai oui, j'ai bien vrai. Sûr, de prendre le métro. C'est ça, c'est prendre le métro. Elle grâce a dit, à Jalil Lesper, apparemment. Elle a dit, mais grâce à son nouveau compagnon Jalil Lesper, elle a pu réaliser un rêve de gosse, prendre le métro. Mais c'est bien d'avoir des rêves simples. On sent qu'elle en a chié, quoi. C'est-à-dire qu'elle plaisir. Avait jamais pris le métro avant. C'est ce qu'elle dit. Jalil m'a aussi fait découvrir le métro à 46 ans, caché sous un chapeau et un masque, j'ai réalisé mon rêve d'ado. Ça va, calme-toi. Ça peut pas être vraisemblable. Ça va. Mais j'ai peu vécu à Paris, confie-t-elle. Voilà, elle le confie, le cœur le au bord des sûr. Yeux. Oui. Même en vivant peu à Paris, tu prends très rapidement le métro normalement. Ouais, ouais. Peut-être aussi, peut-être une famille riche, je sais pas. Hein. Peut-être. Ouais, mais cela dit, je pense que tu peux vite être emmerdé par des gens. Oui, quand t'es Laetitia Hallyday, t'as ou non, les fans que... ou les gens qui l'aiment mais... pas. C'est vrai, bien il sûr. Est vrai en fait, aussi. Les gens ne s'attendent tellement pas à voir tu vois, quelqu'un. Ouais. Qu'en fait, je pense qu'ils la voient et ils la calculent pas. J'ai déjà vu des gens non, mais très connus, tu vois, qu'on n'emmerde pas du tout dans le métro. Parce oui, que c'est ça. Ils se disent non, mais non. C'est pas. Perso, oui, je la vois dans le métro, je m'en bats les couilles. Hein, oui, mais toi, oui, mais parce que tu n'es pas un Johnny Lover. Ouais, c'est vrai que je suis pas un Johnny Lover. Ali Dezouz. Un Ali Dezouz. Là, il y avait beaucoup d'Ali Dezouz à Bercy, parce que vous avez vu ce. Bien sûr, l'esplanade de Bercy. Douli n'a rien non, vu. Mais Douli non, mais moi, chez je vis, mais je vis toujours avec Colombo, chérie. C'est bien que. Non, non. C'est bah... bien, je suis surprise tous les jours. Bah oui, c'est bien. T'as tellement de choses à rattraper. Internet, tu vas découvrir ça, tu vas voir. J'ai 30 ans. Là, écoute, sache que Johnny Hallyday, donc qui est décédé, je sais pas si tu. Attends, je vais me reculer un peu pour chialer. Et bah, du coup, la maire de Paris a inauguré l'esplanade Johnny Hallyday à Bercy devant le palais Omnisport, enfin l'accord Hôtel Arena, maintenant. Et du coup, ils ont fait une statue en hommage à Johnny, et c'est une statue. Elle est réussie. Horrible. Assez hideuse. Moi, je trouve ça. On dirait vraiment un truc. C'est de mauvais goût à fond, quoi. C'est ça. On dirait les trucs qu'ils te donnent en cadeau dans les restos chinois, tu sais, quand tu commandes, mais en géant. Et sur, ouais, c'est ça. Vois, ça n'a aucun sens. Bah, c'est un manche de guitare avec une moto en haut. Mais c'est comme ouais. Ah bon, c'est ça. Oui. Attendez, je vais vous la montrer. Mais en fait, on dirait une devanture d'un magasin qui vend des motos, en fait, tout simplement. C'est, Oh là là, mais c'est incroyable. Ah, c'est plus un manche de guitare. Si, c'est un manche de guitare. Là, ça se voit pas bien sur la photo, mais c'est un manche de guitare géant, ouais. Sur lequel est planté au bout une moto. Alors pas n'importe quelle moto, c'est voilà, une moto c'est qui a vraiment appartenu à Johnny, je crois. Sûr, attends, calmez-vous, c'est quand même et à la base, hyper important. Mettre Johnny dessus d'ailleurs, mais c'était en automate. À queue, à queue, à queue, à queue. Oh, ce serait génial. Le poisson qui chante. Tu mets une pièce et il chante. Tu passes devant. C'est ce machin. Ah, le truc dégueulasse. Mais voilà, ça, ça aurait été une bonne idée. Ça, ça aurait été bien. Bah, bien sûr. Et genre tout l'argent est reversé à, je sais pas, une œuvre. Laetitia Hallyday. À Laetitia Hallyday, ouais, pour voilà, qu'elle prenne le métro. Ouais, voilà, non, c'est pour ça. Qu'elle puisse privatiser. Une, pour qu'elle prenne le RER, parce que ça, elle a pas fait encore. C'est vrai qu'elle prendra le RER, elle va tomber de très haut. À le RER, c'est faut y aller, quoi. C'est quand même drôle de se dire que là, dans la même, les mêmes news, on a des gens qui vont dans l'espace et une meuf qui est contente juste de prendre le métro, oui, quoi, pour montrer que tout le monde n'a pas la même vie, quoi. Écoute, un nouvel album de Martin est sorti cet été. Je sais pas si vous connaissez les livres Martin. Oui, le 61e. Ah, moi j'adore les mêmes où ça reprend les titres de Martin. Je déteste ça. Tu partages ça avec Adrien qui est un gros féru de mèmes. À votre avis, que fait Martin dans ce 61e épisode? Elle met un masque. Elle a le Covid. Non, non, rien à voir avec le Covid. Elle Martine aime les femmes. Non, elle déplore. Woke. Ah ouais, dans un truc du moment. Pas du tout. Elle déplore la montée de l'extrême droite en France. Non, je sais pas. Ça serait bien. Oui. Les mains sur les hanches et la tête un petit peu déconfite. Non, Martine, c'est un truc dans la lignée des autres trucs. Ouais, ou c'est vraiment peu... assez basique. Est-ce que c'est un truc décevant? C'est très décevant. Ah oui, d'accord. Ouais, non, non. Elle va en vacances quelque part. Elle fait de la trotte. Elle fait de la trotte. Un petit tour. Fait des pâtés de sable. C'est décevant pourtant. C'est quoi, t'as dit? Des pâtés de sable, c'est décevant. Non, par contre, je crois que Martine à la plage, c'est un des premiers, oui, je crois. Ouais. Est-ce que c'est Martine... Alors, attends. Est-ce que c'est genre Martine dans un lieu? C'est Martine dans un lieu, oui, exactement. D'accord. Donc Martine à l'hôpital. À non, alors sachez que le premier, c'était Martine à la ferme et que Martine à la plage n'arrive... Enfin, il y a Martine à la mer en 3, donc c'est ça, je pense. Oui. Mmh. Donc là, ce serait... Sachant que Martine à la mer en 3 et Martine apprend à nager en 25. Donc, elle l'a échappé belle. Ouais, elle s'est fait chier, je crois qu'elle s'est très ennuyée. Martine à la salle de sport? Non. Martine au cours de conduite? Non. Mais est-ce que Martine est encore enfant? Elle est encore enfant, ouais, bien Martine sûr. Martine dans l'espace. Ah oui. Non, elle est pas dans l'espace. Dans le métro. Cela dit, elle a déjà pris l'arche de Noé, ce qui est quand même pas mal. Ah oui. Ouh, ah oui, ouais, ah oui, donc ils sont partis en couille. Ils sont partis. Ouais, c'était juste avant d'apprendre à nager. Ouais, Martine proxénète et après, juste après, l'arche de Noé. Non mais c'est un lieu vraiment pas ouf. Si on se parle. Alors c'est un lieu assez ouf dans la vie, mais effectivement, dans un livre de Martine, c'est pas. Mais c'est un truc qu'on pourrait faire nous. Ah oui, complètement, on pourrait le faire. Martine à la Tour Eiffel. Non, mais tu t'approches. Ouais, c'est aux States? Non, c'est en France. À Disneyland? Non. Au Mont-Saint-Michel? Non. L'Arc de Triomphe redéguisé avec du PQ? Martine traverse. Tu suis l'actu, tu vois. Ah oui, parce au Sacré-Cœur? Non. Martine traverse la Méditerranée à la rame. Non. Martine sur les Champs-Élysées? Non, mais vous êtes proche. Tout le monde. Quand il a dit Tour Eiffel, JB, il était vraiment pas loin. Sur l'Arc de Triomphe? Non, non, non, non. Martine, au Troca? Fais un petit pique-nique au Troca. Sachez que c'est la première fois que Martine va dans un endroit, en tout cas, comment dire, un nom propre. Quoi. Enfin, oui. Un endroit, Martine touristique. À Montmartre. Non. Martine à Citadium. Sacré-Cœur, du coup, non. Non, vous y êtes presque. On va trouver. C'est un quartier parisien. Non, c'est pas un quartier. C'est un lieu, c'est un monument. Un monument. Au palais de Tokyo. Au Louvre. Très bonne jolie. C'est une OP. C'est un placement de produit, putain. C'est Martine au Louvre et c'est la première fois que Martine va dans un endroit, comment dire, aussi identifié, quoi. D'un télo. Sur la couverture, elle voit la Joconde, carrément. Oui. Donc, ah, oh. Ouais. Vous lisiez Martine, vous, pas du tout? Non, pas trop. Non. J'ai dû en lire, moi, quand j'étais petite, quand même. Si. Non. Ouais. Ça devait traîner quelque part. J'ai plus Astérix et tout ça, moi. Bah, pareil. Ouais. Moi, j'ai grandi plus avec des BD comme ça. Ratus aussi, je sais pas si vous vous souvenez de Ratus. Non, mais non, c'est pas un pas rat ça. Vert. Bah, je sais pas si je vois, mais je pense que c'est peut-être pas. C'est plus ma génération. Ouais. Ratus. Boule et Bill, moi. Boule et Bill. Boule et Bill, d'ailleurs, et peu de gens, enfin, les gens l'oublient, mais Boule, c'est le nom du petit garçon. Bien sûr, ouais, c'est ouais. Bill, le nom oui, du chien. C'est le coquin. Horrible. Ouais. Le chien a un bien meilleur nom que l'enfant. Il s'appelle Boule, vraiment. Il s'appelle Q, finalement, en fait. Ouais, au final. Finalement. Non, toi, Adrien, t'avais pas un héros de ton enfance? En BD. Outre le président Mitterrand, bien sûr. Parce que bien sûr. Non. Non, un héros en BD, tu ouais. veux dire Sylvain et Sylvette. Bah si, Gaston Lagaffe, en vrai. Ah, Gaston Lagaffe. En fait, moi, j'adorais... J'aimais beaucoup Gaston aussi. Ouais, moi, j'adorais son repère qu'il faisait avec des livres, là. Ah oui, bien sûr. Ça, ah oui, bien sûr. Quand j'étais gosse, ça me faisait rêver ces scènes où... Il s'était construit une espèce de bunker nazi un peu, ouais. Mais pas nazi, mais plus intelligent, toujours ouais. Plus culturel. Mais non, mais les scènes où il est genre allongé avec son chat sur le ventre et il écoute la radio et il se fait bouffer et il est en train de pioncer genre dans sa cabane, ouais, en livre, bien sûr. Ça me faisait rêver quand j'étais gauche, quoi. Je comprends. JB, voilà. En BD, ouais, Boule et Bill aussi, et Tintin. principalement. Ah, Tintin, putain, moi, Tintin, je suis jamais rentré dedans. Moi non plus. Ouais, moi non plus. J'aimais bien un dessin animé, mais. Désolé, mon pote. Personne n'aime Tintin, bon, excusez-moi. Mon nul, il aime Tintin. On est tous là. Ah, bah non, pas du tout, nous. Hein. Non, mais c'était quoi qui te plaisante? Moi, en fait, le problème que j'ai avec Tintin, c'est que je le trouvais un peu chiant, quoi. Ça un peu c'est bon garçon quoi. Ouais, mais du coup un peu non, j'adorais bah le seul que j'aimais c'était Tintin au Congo. Voilà, mais parce que tu vis dans un bunker aussi. C'est que voilà. Pour ça que j'aime Tintin. Non mais vous avez remarqué que dans Tintin, parce que moi j'avais jamais remarqué, mais il y a pas une seule meuf, c'est-à-dire que y a la castation. C'est jamais, aussi pour ça que je l'adorais. Ça n'a jamais dérangé personne en fait. Moi ça m'a jamais dérangé, tu vois. Oui. Et quand on me l'a dit, je dis ouais, c'est vrai, il y a la Castafiore et son assistant. Ça va, il y a la Castafiore. Ouais, non mais tout le monde s'en fout en fait. Oui, non mais c'est vrai. Mais j'ai vraiment, pas marqué. C'est vrai qu'il n'y a pas de meufs. Mais il n'y a pas de gonzesses. Alors, en termes de diversité, à tous les niveaux, on en a très très peu. Quoi. Non, mais on s'en fout concrètement. Non, parce que non, regarde, non, ça pas, n'a mais... jamais dérangé personne. À aucun moment, tu t'es dit, dis donc, il n'y a pas de meufs dans Tintin. C'est vrai. Mais enfin, on n'était pas en 2021. Donc, oui, voilà. Mais cela dit, dans Astérix, il n'y a pas beaucoup de meufs non plus. Il y a quand même les meufs de chaque. Tu vois. Ah oui, il y a Bonnie, Falbala. Cléopâtre, c'est vrai. Quand même. Il y a quand même des gonzesses. C'est vrai, un petit peu. Ouais, ouais, oui, si. Il y avait Sylvain et Sylvette. Non, je sais pas si vous lisez. Non, mais c'est Bob et Bobette. C'est quoi Sylvain et Sylvette? Sylvain et Sylvette. Alors, moi, Sylvain et Sylvette, c'est mes grands-parents m'achetaient tous les numéros et je trouvais ça pas si ouf. Donc, j'ai jamais compris. C'était un garçon, une fille, un peu une Nicolas et Pimprenel, deux fermiers, je crois, un peu plus ou moins. Ouais. Et ils vivaient des aventures et il y avait un renard, un loup et un sanglier qui essayaient de les piéger tout le temps. Est-ce que c'était pour les tuer ou leur voler des trucs? Je sais plus. Je sais plus si c'était l'un ou l'autre. Mais c'était très, justement, c'était très gnangnan quoi. Ouais, c'est mes grands-parents, ça, ils m'achetaient tout le temps ça. Et je dis, c'est bon, j'ai 23 ans. Je me branle dans ma cabane à branlette sur entrevue. FHM et Maximal. Sur FHM, bien sûr. Avec Marjolaine et les millionnaires en couve. Nouvelle question. Nicolas Gentil, un Italien, a décidé d'adopter un style Gentile. De vie. Gentile. Oh, joli. A décidé d'adopter un style de vie assez spécial, à votre avis, lequel? Twitcher. Il s'est mis à Twitch. Pas du tout. Pas si spécial. On est sur quelque chose de sain. Oui, de sain, pas de, en tout cas, pas de violent, pas de. Il veut vivre comme un homme préhistorique. Oui, j'allais dire quelque chose de marginal. Mais on est sur quelque chose un peu comme ça, d'une autre vie. De marginal, je ne sais pas si on pourrait dire ça. Genre un truc d'une autre époque? Pas vraiment. Il est en costume tout le temps. qu'est-ce que ça pourrait un cow-boy, être non, cow-boy. Mais tu t'approches, c'est un truc effectivement un peu ça nécessite... culture littéraire ou pop culture. Il est mousquetaire désormais. Non, pop culture. Et il vit dans un Intermarché d'ailleurs. Non, pas du tout. Pas du non, tout. Tu dis un truc de culture pop littéraire, pop culture, voilà, cinéma, il livre. Il vit dans une baleine, théâtre. À l'instar de Pinocchio. De Pinocchio. Mais c'est son style de vie qu'on cherche, hein. C'est son nouveau style de vie. Putain, mais d'ailleurs, Pinocchio, il aurait pu sortir facilement de la baleine, il a juste à mentir beaucoup. Ouais. Il ouvre la baleine. Mais est-ce qu'il y a une limite à la taille de son nez à Pinocchio? Putain, je sais pas. C'est dit dans le bouquin? Bah, je sais pas. Non, mais lui, Pinocchio. Je pense qu'il n'y a pas de limite parce que à chaque fois qu'il ment, ça s'allonge, ça s'allonge. Ouais. Mais il s'arrête tout le temps à un moment donné, quand même. Il arrête de mentir au bout d'un moment. D'accord. Putain, mais du coup, il pourrait faire partie des Avengers, quoi. Oui, il doit dire plein de mensonges d'un coup. C'est un peu Groot, mais. Je suis un chien. Ça pousse très vite. Ouais, ça pourrait être pas mal. Attends, parce que Gentile, il faut savoir ce qu'il fait. Gentile! Gentile. Faut qu'on en profite parce qu'un jour ce sera raciste de faire l'accent italien. Donc, je propose qu'on en fasse plein d'un coup là. Mamma mia. La pizza. Il a raté les pizzas ou quoi? Est-ce que ça nécessite dit, Pardon. Non, je vous en prie. Non, mais les Italiens potes. C'était un peu les premières victimes du racisme en France. Ah bah bien sûr. C'est-à-dire que les immigrés italiens étaient traités vraiment comme de la merde. Et oui, on en apprend des choses. Aniraka a trois pénis et les Italiens étaient victimes du racisme. Et je peux en parler car du côté de ma mère. Ma mère est italienne, donc mes grands-parents du côté de ma mère étaient italiens. Et quand ils sont arrivés en France, c'est vrai que moi, ma mère, elle a beaucoup subi du racisme à l'école et tout. Ouais, bien sûr. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, j'avais appris la signification de Rital. Et je crois qu'en fait c'était donc italien et le R signifie quelque chose. Donc mon anecdote n'est pas complète. Ah mince, écoute, je ne sais pas. Mais Rital, ringard, là, je sais, mais... Déjà de dire les Rital, tu vois, c'était péjoratif. Ouais. Façon, oui, dès qu'il y a. Bah, bien évidemment. Ouais. C'est comme Shintok ou. Tu vois. Ouais, bon, tout se dire. Non, ce nom, effectivement, ce nom fut donné aux ouvriers immigrés italiens. Avant et après la Seconde Guerre mondiale, qui a pour origine la mention réfugié. Oui, voilà, italien. C'est ça. Réfugié Rital. Ah, Rital. Le R, c'est de réfugié, qui était porté sur les papiers des immigrés. Mais pour répondre à Je suis Rital et je le reste. Ouais, pas mal. C'est quand qu'on se fera un karaoké, putain. Non, mais pour répondre à Douli sur ce que t'as dit juste avant, j'ai revu Karate Kid il y a pas longtemps. Et parfois, on est choqué de la VF d'époque. Ah oui. Ah bah, et t'as là, le méchant qui parle à Monsieur Miyagi, parce que Monsieur Miyagi a quelques demandes pour son poulain, et il dit. Et donc, il y en a des recommandations, le Shintok. Ouais, tu vois. C'est violent, oui, c'est complètement gratuit. C'est quel VF dont on parlait où il rajoute Bloodsport, je crois. C'est ça, c'est Bloodsport. Bloodsport, oui, oui, il y a énormément de racisme qui n'est pas dans le scénario américain. J'ose même pas l'avenir. Ne le disons pas. Mais vraiment, les traducteurs sont dit allez, tiens. Là, je me fais plaisir. Une blague ultra raciste à Forest Whitaker. Genre, normal. Oui, je m'en souviens, je m'en souviens. Si le perso était grave raciste, c'est pas dans le scénar. C'est pas du tout. Non, en plus, surtout que c'est le personnage que t'es censé aimer, c'est le barbu là, le pote de Van Damme et tout. Oui, il sort une blague ultra raciste. Mais c'est vrai que ça le fait souvent parce que pour la première fois j'ai vu Rocky en anglais il y a pas longtemps. Et en fait, je me suis rendu compte que dans la VF, ils rajoutaient des mots racistes qui sont pas dans la VO. Mais souvent, c'est la France. Ils sont plaisir, en fait, la France. Alors que les States, ils sont tellement pas racistes en plus. Que en tout cas, alors, bonne leçon. Bonne leçon qu'on nous prend là. Attends, donc on est encore sur le mode. Bien pardon, sûr. Vas-y, vas-y. Et justement, c'était pour revenir à notre italien. Gelato. Alors sachez que ça n'a rien à voir. Gelato. Bon, allez. Désolé aux Italiens qui nous écoutent. Ils sont nombreux. On vous aime. Perdono. Ça n'a rien à voir. Il a décidé de vivre sur sa Vespa pour continuer. Non, non, non. Ça n'a rien à voir avec son nationalité. Le fait qu'il soit Hital, habitant italien. Non, il n'est pas. Est-ce que ça nécessite un costume? Sa nouvelle très, très vie. Bonne question d'Ornella Lafleur. Un super héros nécessite un costume. On s'approche tout doucement, ce n'est pas un il vit comme à la Renaissance. Non. Sous l'eau. Non, Adrien est un petit peu plus proche. T'avais dit quoi? J'ai dit super-héros. Mais littéraire, tu dis, donc ouais. Tu exclus la BD. Fanfan la tulipe. J'exclus la BD, ouais. J'exclus de ouf. Alors attends. Il vit comme Zorro. Non, mais on est dans ces trucs. Ah, tu dégueules. Arsène Lupin. Non, plus international. Livre très connu, mousquetaire, film très connu. Les 4 mousquetaires. Non, il a dit les mousquetaires. 5 mousquetaires, 6 mousquetaires. 17 avocats. Attends, livre très connu. Livre très connu et film très connu. Voilà, pensez à un livre, donc ce n'est pas Harry Potter, mais on s'approche tout doucement. Il y a de la magie un petit peu ? Il y a de la magie. Ah oui, il y a de la magie. Attends, est-ce que c'est un livre. Ah, genre comme un Hobbit ? Très bonne réponse, Adrien Méniel. Magnifique. 300 euros dans la cagnotte RTL. Alors, ce fan du Seigneur des Anneaux vit comme un hobbit avec sa famille. C'est un homme, un pâtissier de 37 ans. J'aime donc bien, Nicolas moi. Gentile, qui a construit son pieds propre nus, comté. Bah oui, du coup, oui. Il a construit sa propre comté, mais la, c'est trop bien, la patrie en fait. C'est des juste hobbits. Être heureux, sur ce en terrain, fait. Il a bâti une maison typique au sein de laquelle il vit costumé comme Bilbo avec sa femme et ses enfants. Ça serait ma limite. La maison à la campagne et tout, super. Le costume. Il y a quelques temps, je me suis rendu compte que les livres et les films ne me suffisaient plus pour satisfaire ma passion pour le genre fantastique. C'est un fou. On arrive dans la névrose. Là, il y a le problème. Comment il m'en fallait plus. Et en particulier, j'ai jeté un mec dans un volcan. Je me sens vivant, putain. Dès qu'il y a une bague, je pisse. L'Italien souhaite construire d'autres bâtiments mythiques de l'univers de Tolkien, à l'instar de la caravane des nains ou encore de l'auberge du dragon vert. Ouais, bon. Ces constructions utiliseront l'énergie solaire, car Nicolas Gentile souhaite faire de ce terrain un lieu éco-responsable. Mais t'as pas l'air d'être séduit par le mode de vie de Gentile. Non, pas du tout. Non, mais cela dit. Alors écoute, pas du tout. Peut-être qu'il va en faire un Airbnb et là, ça peut être et pas voilà. mal. Ah, non, mais écoute, moi j'y vais. Parce qu'en fait, c'est pour un week-end, c'est marrant. Mais faut te déguiser par contre pour y aller. Bah oui, bah un week-end, d'accord. Ça va. Vive tous les jours, calmos. Non, parce qu'en fait, c'est un grand. C'est un grand écolo, puisqu'il dit la Terre est aujourd'hui menacée par. Pas si grand si c'est un hobbit. La Terre est aujourd'hui menacée par la pollution et l'urgence climatique. Ah bon ? Ils sont des ennemis aussi redoutables que Sauron. Non. Vous voulions montrer que notre terre, comme la terre du milieu de Tolkien, doit être sauvée et protégée. Les geeks gâchent tout. Oui. il commence une phrase hyper bien, puis il dit eh, c'est comme Sauron. Bon, allez, c'est. Allez. Non, mais l'idée est belle, mais c'est vrai que c'est peut-être abusé, peut-être un mais petit peu. Mais pourriez-vous changer de style de vie comme ça, du tout au tout d'Audrey Tautou d'ailleurs. Attends, changer d'Audrey Tautou. Changer de vie avec Audrey Tautou. Moi, je pourrais le faire. Ouais. Mais dans 40 ans, quoi. Ouais. Non mais comme lui ou oui, n'importe ça, quoi. N'importe quoi, ouvrons moi, les possibilités. Moi je pourrais vivre dans un camping-car par exemple, je pense. Dans une caravane. Oui, parcourir la lande et me poser là où bon me semble. Papa was a Rolling Stone. Ah mais si c'est sympa quand même, si moi je pourrais. Ouais. Mais c'est vrai, vous êtes un peu bloqué par votre vie professionnelle, c'est un peu ça. C'est ça un petit peu le problème. Une carrière très demandante, moi. on s'arrache. On s'arrache, ouais. On s'arrache. On s'arrache grave. Ouais, Douli, toi, tu pourrais changer du tout au tout comme ça. Ouais, ben. Bah, oh, tu l'as déjà fait, je suis sûr. J'ai déjà fait, ouais. Oui. Ouais. J'ai déjà fait quelques fois. Mais oui, ça me dérange pas, moi. Moi, je me sens chez moi n'importe où. Donc, ouais. J'ai pas de problème avec ça. T'es une citoyenne du monde. Oui, voilà. Non, mais c'est vrai, il y a plein de. Tu me fous avec des gens bien, des gens cool, quoi. Je me sens bien. J'ai pas d'attachement. Apprends-moi. Pas d'attachement. Apprends-moi. Comment tu fais déjà pour trouver des gens cool? Comment tu fais? Comment tu fais? JB? Je me sens pas chez moi. Ouais, chez moi, vrai. Donc. Quand j'avais 24 ans, je suis parti vivre à Montréal 2 ans. Mais c'est oui, vrai. C'est vrai que c'est un changement de vie et je serais capable de le refaire dans le futur. Assez facilement. Mais wow. Changer de pays. Ah oui. Quel pays Montréal, très peu de variétés. Ouais, j'entends. Ah, en fait, donc refaire ce que t'as. Refaire ce que j'ai déjà fait, effectivement. D'accord. Cela dit, moi je suis jamais allé à Montréal, on m'a toujours dit que c'était chambé. Ouais, c'est ouais, vrai, c'est chambé. Bah ouais, de ouf, bah, ils sont vraiment c'est gentils. Bon. Ornella, toi ouais, bah. Alors, moi je ne suis jamais allé à Montréal, donc je peux pas dire, mais ah oui, moi je pourrais vivre. Bah beaucoup, c'est vrai que je pourrais vivre aux États-Unis, ah oui, plus ça, Los Angeles ouais. Ou New York. Ouais. Je suis cette team ah, un peu non, quand même. Les deux, ah, je sais pas. Oui, voilà. Moi je aussi, ferais des allers-retours, putain. Je suis tiraillée. Il faudrait que j'aille un peu dans les deux endroits. Après, non, mais moi, c'est vrai que je pourrais vivre totalement en Italie. C'est un oui. Peu ma deuxième maison pour moi, donc ça me. Alors, tu viens d'où d'Italie? Alors, ma mère vient de Bari, dans les Pouilles. En ah, Italie. Bari, finale de la Coupe d'Europe. Il paraît que c'est magnifique. Magnifique. Bari, dans les Pouilles. Oui, dans les Pouilles. C'est une région d'Italie, tout au sud de l'Italie. Ah, au fait une bonne vanne. Non, mais j'attends la blague d'Adrien. Non, il n'y a pas de vanne. Oui, justement, c'est tu peux pas faire de vanne. Dans les ça s'appelle les pouilles. Dans les pouilles, il y a des petites maisons traditionnelles. Ouais. Exactement. Ouais, j'ai voulu t'épater avec ma science italienne. Des petites maisons blanches, oui, exactement. Ouais, c'est ça. Et tu y vas là, tu y vas de temps en temps. Bah écoute, alors là, je n'y suis pas allée récemment, mais. Cette année Covid. Cette année, mes parents, ma soeur, mon beau-frère, en gros ma vie, eux, ils sont partis là-bas 15 jours et moi, je suis restée à Paris et je recevais des photos de leurs vacances qui avaient formidable. Donc voilà, mais donc en Italie je pourrais vivre mais on est quand même sur des vies oui assez sédentaires oui. Et trucs comme ça. Vous pourriez pas vivre dans la forêt par exemple parce que c'est pas non un... ah. Bah Adrien visiblement oui. Moi ça me dérange pas si oui voilà, toi ouais. Oui, moi s'il y a la fibre je peux vraiment vivre n'importe où mais un après... peu d'eau chaude quoi oui ouais. Une source d'eau chaude quelque chose une marmite si t'as une marmite tu fais chauffer le pluie oui voilà. Bah, si mais un dans truc la forêt, où tu peux te laver quoi. Ouais. Moi, j'ai un peu ce problème. Rivière, ouais, moi, petit... La forêt, il y a quand même un vrai truc relou de différence de température. C'est genre, il fait chaud la journée et dès qu'il fait très nuit, froid, oui, tu c'est te réveilles vrai. À 4h du mat, mort de froid. T'isoles ta cabane. Ah, mais moi, j'ai mal isolé. Tu mets de la mousse d'arbre entre. Figure-toi que récemment, j'ai zappé et je suis tombé sur une émission qui s'appelle. Je sais plus. Koh-Lanta. Non, mais ça ressemble à Koh-Lanta, mais c'est encore plus brutal. En gros, c'est un homme et une femme qui se retrouvent à poil dans un lieu hostile. Ah oui, oui. Et qui doivent ça, survivre pendant deux jours. Ça, je crois que j'ai voilà. Et ils doivent survivre pendant deux jours, sauf que c'est vraiment des endroits assez compliqués où il y a des scorpions, des serpents, des pumas et tout. Ça me plaît. Et c'est un enfer, quoi. C'est vraiment un enfer. Donc voilà, donc je pourrais et pas. Pourquoi, pourquoi ils sont nus? Je sais pas, ils sont. En fait, c'est retour à l'état sauvage, voilà, c'est ça. Ah, c'est ça. J'ai déjà entendu parler voilà, du travail. Ça s'appelle retour à l'état sauvage. Tu buses des trucs, tu un fais jean, des tu peux. Ok, c'est le but en fait de en se fabriquer des vêtements. En sanglier, en écorce. Moi, j'adorais l'émission Survivor Man. Bah, c'est un peu ça. Ah, comment il s'appelait le gars? C'est pas Bear Grylls. Ah, non, c'est l'autre. Pas Bear Grylls. Oui, parce qu'en fait, parce que. Alors, moi, c'est un peu mon cheval de bataille. Ah, bah alors attention. Man vs Wild, c'était truqué. Oui, c'est ça que je voulais dire. Ah, ouais, c'était truqué. Un McDo loin. Je non, mais jure, il dormait. Là, je suis dans la merde. Et t'as fait un McDo à 200 mètres. Laissez, à l'hôtel laissez Ornella se gausser de cette fake news. Non, s'il vous plaît. Je suis venu pour ça, merde, quand même. L'épisode avec Obama était très décevant. Parce que quoi? Avec Obama. Il a fait un épisode avec Obama? Bah ouais. Mais il dormait dans la Maison Blanche. Carrément, Adrien, quand il sait pas, il fait. Pfff, ouais. Non, c'est mais une ça, fake ça, news. Non, mais non, c'est pas que je sais pas. Ça désole, quel rapport. Ça le rend dingue. Alors que Les Stroud, le mec qui faisait Survivor Man, ouais. Déjà le mec il était tout seul, il se filmait lui-même. Ouais. Alors que Man vs. Wild, il y a pas d'équipe. Il y a une équipe, donc déjà c'est. Oui, c'est et le mec il se galérait avec ses caméras, il les posait et tout, machin, etc. Et bah c'est génial, voilà. Tu peux raconter une anecdote d'un truc un peu croustillant qu'il aurait fait, qui est un peu, tu vois, un peu choc. Moi, bah, en fait, lui, c'est pas du tout spectaculaire, justement, comme Man vs. Wild, ou alors il va presser une bouse de mammouth. C'est ça qu'on veut. Non, mais non, moi il dit, ah putain, mais là c'est son défait, je vais devoir boire ma propre pisse, putain. C'est ça qu'on veut. Je suis dégoûté. En fait, moi ce que j'aime bien, c'est que lui, justement, a tout foiré, quoi. À chaque fois, il mettait des pièges, et à chaque fois, il faisait. Oui, la vraie vie, quoi. Vraiment, il se galérait tout le temps. Et je me souviens d'un truc qui m'avait fait rire, c'était qu'il était sur une île déserte. Et il disait, bon, je vais. À chaque fois, il faisait une petite mise en situation. Genre, par exemple, t'es en train de faire de la moto dans le désert, ta moto tombe en panne. Et du coup, il utilisait les trucs de la moto, il récupérait la mousse, ouais, etc. Okay. Et là, il disait, je vais simuler le fait que mon petit avion s'est crashé sur une île déserte. Pas mal. Donc, et il disait, du coup, pour être crédible, je vais avoir un bras en écharpe comme si je m'étais cassé le bras dans le crash, cool, quoi. Okay. Et donc il fait le truc avec une seule main et tout machin pendant, je sais pas, 15-20 minutes. Et au bout d'un moment, tu le vois, il est en train de faire un truc avec les deux mains, genre. et il fait, donc là je suis en train de. Il fait, ah oui, au fait, ça me faisait chier le coup du bras, donc j'ai arrêté. Vraiment, il en avait rien à foutre. Quoi. Ça s'appelle Survivor Man. Survivor, ouais, Man. Est-ce que ça envoie du sax? Ça envoie du sax à fond les altos. Ok. Oh, horrible. C'est une expression qu'on essaie de lancer, ça envoie ça du sax. Ça envoie du sax. Mais c'est pas mal, j'aime bien. N'hésitez pas à utiliser de chez vous. Non, okay. Prends pas les t-shirts arrivent. Avec le hashtag peut-être. Bien sûr, hashtag, okay. Ça envoie du sax, évidemment, sur tous les réseaux. Selon un sondage portant sur la sexualité, oulala, question co, question in. Attends, t'as mélangé Yann Barthès. Yann et... Barthès, après je suis parti sur Jean-Luc Reichmann. Voilà, la France a décroché la palme devant tous les pays européens, mais la palme de quoi? Les meilleurs baiseurs. Sur un truc, non, de sexe. Hein. Truc de sexe. Ce ne sont pas les meilleurs baiseurs. Le nombre de masturbations. Pas le nombre de masturbations. Comment on peut savoir si c'est les meilleurs baiseurs? Parce que c'est intime. Bah, ça dépend, ça peut être des questions et précises, sur... oui, genre oui. Jouit-elle déjà? Oui, première c'est-à-dire... question. C'est un mythe, ça. D'accord, donc vous, c'est bon. Ok, c'est bon, vous avez répondu à la question. Attends, donc sexuellement, quelque part, on est les meilleurs, c'est ça que tu veux. Mais un truc, est-ce que alors, c'est. Alors, les meilleurs, non, c'est non, ça, ce que j'allais dire. C'est un record, ouais. Ouais. Les trompeurs. Est-ce non. Que. Non. Ça concerne les garçons et les filles ou plus ça l'un concerne plus l'autre. Les filles. Ça concerne les filles. L'éjaculation. De la simulation. Non. Elles jouissent non. Le moins. Elles ont le moins d'orgasme. Alors, bah non, numéro 1, non. Du coup. Non, c'est pas vraiment ça, mais je vais te donner, je vais te l'accorder quand même. Ce sont les. En Europe, mm-hmm. Les Françaises sont les plus insatisfaites de leur vie sexuelle. Ah, incroyable. Puis, après, on serait pas insatisfaites. Alors qu'on a quand même court. La réputation de. Tu vois, French kiss et tout ça. Ouais, ouais. Pourtant, bah, apparemment. Plus... Ça galoche, apparemment. Bah, donc... Ça galoche sec, mais après, il n'y a plus personne. Quoi, c'est ça. Bah, vous êtes insatisfaite ou pas? C'est la question que je pose. Ah, non, moi, je suis très satisfaite. Ah, bah voilà. Alors, tu ne fais pas partie de plus d'une Française sur trois. Non. Mais donc. Du coup, en négatif, ça veut dire que les Français sont les pires baiseurs. Ouais, du coup. C'est ça. Du coup, je sais pas. Ça se retourne pour les couples pas vraiment, hétérosexuels. Pas vraiment, oui. Pas vraiment. Parce que, en gros, l'étude. Si. là, c'est le mec qui a fait l'enquête qui dit ça veut pas dire qu'on est des mauvais baiseurs. Hein, parce que selon. Vous vulgarisez. Il y a un Astérix. Ne fais pas l'innocent, tu as surpris le gars en flag. 28% des Françaises interrogées se disent pas du tout ou peu satisfaites de leur vie sentimentale et sexuelle. Donc c'est un peu les deux. Ah attends, c'est pas pareil. Mais aussi. C'est là où ce qui est. Oui, bon, ça reste, les mecs sont des merdes. Mais, là où ça. 35% des femmes âgées de 18 à 69 ans dans notre pays affirment être peu ou pas satisfaites de leur vie sexuelle. Mm. Et c'est là où ce que tu dis était pas forcément faux, puisque François Cross de l'IFOP met notamment en évidence l'impact du travail sur la vie, oui, sexuelle. Bien sûr. Oh. L'Hexagone, parce que les femmes ne travaillent pas, bien sûr. Si, justement. Ah oui, l'Hexagone, d'accord. Mais c'est pas lui qui baise mal. Lui. Donc c'est lui qui. Bah oui, mais voilà, elles ont voulu travailler. Et bah voilà, on peut pas tout avoir. C'est clair. Ce n'est pas ce qu'il dit. Sinon, bien. Non, c'est le travail. C'est le boulot. Non, on peut pas parce qu'on taffe là, donc tu comprends. Moi, dès que je suis en forme pour baiser, elle est au boulot. Donc. La pendant ces heures de boulot, je suis chambé. La phrase de François Cross est « L'Hexagone est l'un des pays où le taux d'activité professionnelle des Pierre femmes Cross. Est le plus élevé, ce qui peut engendrer du stress et ainsi empiéter sur la vie privée. Oh. » Mec, justement, quand t'es stressé, tu baises, bah, mon envie, gars. C'est ça. C'est ouais. Vraiment oui, un énorme oui. Mytho. Concernant le nombre de partenaires, 37% des Françaises ont eu plus de 5 dans leur vie, contre 42% des Allemandes, 38% des Britanniques, 31% des Espagnols et 23% des Italiennes. Attends. Ah, les Italiennes. Non, pas du tout. Non, si tu disais, les Françaises ont eu 5 partenaires. 37% des Françaises ont eu plus de 5 partenaires dans la vie. Ok, dans les autres pays, bah, c'est plus pour les Allemands, les Britanniques, ou et c'est un peu monde, moins quoi. Pour les Espagnols et les Italiens. Ah, d'accord, okay. D'accord. Ouais, d'accord. Mais on est d'accord que le mec, il a fait cette étude uniquement pour le montrer à sa femme. C'est uniquement pour ça, quoi. C'est la seule personne à qui il voulait montrer. Alors, tu vois, c'est le travail, hein, je l'ai prouvé. C'est pas moi, ok. J'avais lu que les meilleurs baiseurs étaient les Péruviens. Tiens, non. Je viens de l'inventer. J'avais essayé Péruvien, moi, bah, c'était pas dégueulasse. Mais je l'ai inventé. Hein, donc c'est la flûte de Pan, bah, écoute. Ça, c'est sûr. Voilà. Et les Français se rapprochent donc des sociétés à dominante protestante où une certaine éthique libérale en matière de mœurs réduit le contrôle social et les formes de stigmatisation qui peuvent entourer leur comportement sexuel. Estime François Cros. Toujours le fameux. Le fameux François Cros. Le fameux François Cros. On va passer moins de temps sur son ordo, ça fait des études. Et plus sur madame. Sur la patronne. Des TikTokers manifestent contre la loi anti-avortement. Je sais pas si vous avez entendu parler au Texas. Bien il y a sûr. Une loi anti-avortement qui est en train de passer. Qui est passée, je crois même. Qui est passée, oui. Totalement passée. Incroyable. Et des TikTokers ont manifesté c'est contre fou. La loi, contre ces lois. À votre avis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Une Corée, bien sûr. Bah oui. Ça sentait que tu me le dises. Ils ont fait un lip sync. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est un. Si tu dis que c'est des TikTokers, c'est que c'est un rapport avec TikTok non, ou pas vraiment. Croyez pas que c'est un rapport avec ce qu'on imagine de TikTok. Ouais, est-ce pas de vidéo. Sont, mais ils ont fait des vidéos en disant faites ça et le truc a pris énormément. Ah, ça, le truc. S'habiller comme les meufs de. Hans Mettel. Ouais, merci. Non, pas du tout. Mais ça aurait été stylé. Mais c'est pas ça. Ah, tu as vu passer un truc comme ça? Non, mais c'était. Non. Non. Bah d'ailleurs la 35 avocats. Je veux me lancer dans un truc vraiment où j'ai aucune info, mais je crois que la femme et la fille. De la personne. Attends, qui... Tu risques de te gosser de ta. Oui. Non, parce que j'avais vu donc cette info au Texas et tout, et la personne qui a fait passer cette loi, et ben la femme et la fille ressemblent totalement à des nanas sorties de Hans Mettel. Ah ouais. Ça, voilà. Physiquement, la manière dont elles sont habillées et tout ça, voilà. Et elle, oui. Bah alors, écoute, là pour le coup, ça n'a pas à voir avec ça. Non, mais ça n'a rien à voir. Après, non, vous prenez cette info ou pas, et apparemment, on ne l'apprend pas. Non, si, on l'apprend parce que c'est pas si éloigné de la pop culture aussi. Ok. Voilà la réponse. Ok. Un film. Un film. Ah ouais. Un film de super-héros. Non. Un film qui a un vague rapport avec les droits des femmes, non rien. Ah, aucun. Ça, ni avec l'avortement, ni rien du tout. Non. Ils ont trollé avec un film. Disons-le, il y a un site qui existe aux États-Unis après la loi anti-avortement où tu peux, ce qui est vraiment tout est horrible, hein, dénoncer des gens, gens qui font des. Ouais. Arrête. Qui se font avorter. Ouais. Mais tu te fous de ma gueule. Si. Et quel ils enfant. Ont signalé donc un personnage de film. C'est ça. Donc une mère. Une... Non. Est-ce qu'on serait pas heureux sur un truc nazi ou non, quelque chose? Non, on est pas sur les nazis. Non. Les nazis ont fait leur tour dans cette émission. Et t'as remarqué que je t'ai pointé du doigt. J'ai bien vu. Je l'ai pas relevé, mais ça blesse. Du coup, il y a une petite astuce du coup par rapport au film, genre. Non, rien. C'est juste dire Dark Vador. Très culture internet. C'est tout ce que je peux te dire. Ils ont dit Denis Brogniart. Non. Fortement. Attends. Pour qu'on comprenne bien, ils ont les fameux TikTokers ont demandé aux gens de s'habiller. Alors pas s'habiller. Ah d'accord. Ils ont signalé sur le site. Sur le site, tu peux signaler des gens et tu peux mettre une pièce jointe. Ah. Ils ont mis une photo. Une vidéo. Tu peux mettre une vidéo. D'un extrait de film. Genre, au cas où tu as filmé quelqu'un en train de se faire avorter. Je sais pas, mais en tout cas, tu peux envoyer ça. D'un extrait de quelque chose où ils ont trollé cet extrait. C'est ça. Et c'est un film de quelqu'un, genre par exemple, une réplique de Samuel L. Jackson qui insulte quelqu'un et ils l'ont envoyé. Non, c'est pas ça. Ah là là, attends, c'est pas dur. Ça. Pensez culture internet, vraiment. Culture internet, un film qui est donc un mème. C'est très utilisé sur des mèmes en tout cas. Et c'est film, mais film d'animation. Oui, film d'animation. Ouais. Les Simpsons. Je dis de la merde, c'est pas des vidéos, pardon, c'est des photos. Ah, ok. C'est pas les South Park. Non. Non, les. Oh putain. Les mignons. Oh, les mignons. Non, c'est pas les mignons. Les mêmes. Les. Winchus. C'est pas les mignons. Ça, j'ai aucune idée. Genre Family Guy, un truc comme ça. Non, un truc beaucoup plus grand public. Ah, au cinéma. Qui est sorti au cinéma. Il y en a eu plusieurs. Toy Story. Non. Un truc les Indestructibles. Très internet, c'est vraiment. Bah oui, mais. Oh là là, mais ouais, moi j'ai pas très internet. Très internet. Rick et Morty. Non. Bob l'éponge. Non. Cinéma. Ah oui, cinéma. Ah, je vais vous le donner. Non, bien sûr que non. Surtout pas, sinon je crève. C'est Benichou. Attends, c'est du dessin animé pour enfants. Pour. Oui. Est-ce que c'est des blagues un peu pour les adultes aussi? Est-ce que c'est pas du Disney Pixar? Ah d'accord. C'est le camp d'en face. DreamWorks donc. Oui. Okay. Pas là, je vous ai tout dit. Hein. Ah si, le truc avec la l'écureuil là et sa noisette. Non. Une culture ciné, t'as vu ou pas? Non, mais c'est pas DreamWorks. T'as un bouquin, je crois. Ouais, c'est ça, exactement. Un dessin animé DreamWorks. Putain, mais je connais rien. Mais oui, putain. Puis surtout Internet. Tu vas pas dire là. Quand je vais dire la réponse, Adrien va mettre une patate. Non, bah attendez, tu vas pas la dire. Il y a des auditeurs. Hein, ah, ils aiment bien quand on cherche, ils aiment bien. Ratatouille. Non. donne un petit indice, je sais pas. Les porno. Là, franchement, j'en ai dit beaucoup. Non, mais DreamWorks, je regarde pas les Internet, même. DreamWorks. Oui, c'est ça. Shrek. Ah, putain, bien sûr. Des photos porno de Shrek. Ils ont envoyé des milliers et des milliers de porno Shrek au site. D'accord. Qui a dû fermer. Ah oui. Donc, quand même, assez ah, c'était pour faire bugger le truc. Très malin. Et surtout recevoir trop de demandes et du coup pas pouvoir traiter des potentiels vrais trucs. Quoi. Bien joué. Mais cette info est incroyable. Voilà, pas forcément le Shrek, mais le fait de pouvoir dénoncer. Existe, non, mais c'est incroyable. Whistleblower.com. Oh, mon dieu. Vraiment, normalement, un titre qui est plutôt positif. Ouais, quoi, non. Perso, j'ai dénoncé quelqu'un il y a une semaine. Je suis un peu à contre-courant de ce podcast, mais je préfère le dire. Mais tu reçois en échange un bon d'achat chez Jiffy. Ça, c'est quand même plutôt cool. Ah oui. T'as vraiment dénoncé quelqu'un ou. Non, pas du tout. Ah bon, je sais pas, ça aurait pu être une anecdote. Ah, tu croyais vraiment. Tout est possible, franchement. Ok. C'est autant, moi. J'aurais arrêté de dire des trucs comme ça. Ma voisine, elle a avorté. Non, pas un avortement, mais non, mais c'est ce que j'allais dire. Moi, ceci dit, un voisin un peu bruyant passé 22h, je peux dénoncer très vite. Oui, mais ça c'est la vie. Ça. Voilà, attention. Je peux dénoncer énormément. Est-ce que quelqu'un a déjà dénoncé ici autour de cette table? Jamais. Alors, moi, c'est vraiment le truc rédhibitoire. Non, ou même dénoncer à l'école ou ce genre de choses. Non. Ah ouais. Vraiment, je crois que j'ai jamais dénoncé. Non, moi non plus. Douli, elle a agressé des gens qui l'ont fait. Poucaves, par contre. Ouais. Les poucaves, ils méritent le pilori. Hein, elle a fait des brûlures indiennes. Non, vraiment, ouais. Non, c'est un des pires trucs. De faire ouais, ça. C'est pas beau. Parce que tu peux t'en sortir sans dénoncer. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est pas une fin en soi, quoi. Tu vois. Mais c'est parce que là, je reconnais ta très grande sociabilité. C'est-à-dire, s'il y a un truc qui t'embête, tu vas voir la personne. Tu sais que j'ai été accusée à tort il y a quelque temps pour une connerie, un chien perdu. On a cru que c'était moi. Et le chien. Il n'y a rien. C'est douli, ça. Il n'y a rien de pire que d'être accusé. Ah, que l'injustice. Non, mais c'est la pire chose. Sans pouvoir te défendre. Mais vraiment, j'avais aucune possibilité de dire non, ça n'est pas moi. Ils ont retrouvé le chien, donc j'ai été. Mais on m'appelle Dreyfus maintenant. Tu vois. Mais attends, ils pensaient que tu avais kidnappé le chien? Non, qu'il s'était enfui à cause de moi, alors que pas du tout. Wow. Ah oui, mais tu devais le garder ou un truc comme ça. Ouais, mais pas du tout. Et tu sais, au fond de toi, que c'est pas toi, mais tout le monde tout accuse en fait, et c'est un enfer. Quoi. Je pense au mec en tôle. Juste que je voulais dire, quelqu'un a pas tiré la chasse, alors je crois que c'est Douli. désolé, Douli. Je crois que c'est elle. Ah, moi à l'école, je pense que j'ai jamais dénoncé à l'école. Ouais, mais en même temps, moi je me faisais tabasser sans mais le faire. Non, c'est en plus, je commençais à dénoncer des mecs. C'est pas moi, c'est lui. Attends, tu fais pas ça, c'est interdit ça. Adrien l'a fait. Tu dis, il y a rien de pire que de se faire accuser à tort. Et donc, si tu te fais accuser à tort et que tu sais qui c'est qui l'a fait, tu dis pas non, c'est lui. Bien non. sûr, tu le dis, Douli, arrête. Douli, c'est l'école de la prison, ça, c'est non, quelque chose. Non, mais il y a un truc qui ne faut pas. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux mettre un coup de pression au gars qui ne se dénonce pas. Ah, donc pas. La menace. Ouais. La menace physique, d'accord. Oui. Mais bien évidemment. Avec mais les d'une arme. En frontal, d'homme à homme. Tu vois. Ah non, moi je suis un lâche, par contre. Hein. Je suis vraiment un lâche, moi. Ah oui, mais si on est lâche, Douli, on a le droit de dénoncer quand même. Moi, c'est juste par pure lâcheté. Si t'as vraiment peur. Oui, voilà, moi je suis terrorisé. Je me sens jugé. On est là, t'as jamais dénoncé. Pas le quart de la poigne de Douli. Je dénonce. Non, j'ai jamais eu l'occasion. Peut-être oui, si l'occasion se présente, on ne sait pas. Après, non, c'est vrai que c'est pas dans mon caractère, quand même, je pense. Après, voilà, peut-être la musique tard et tout, mais c'est vrai que je ferais quand même un step d'aller voir mes voisins en premier avant d'aller appeler quand même. Les flics en disant genre je crois qu'il se passe un truc, tu vois. Mais alors Douli, si tu mais si t'assistes à un meurtre, est-ce que tu dénonces le meurtrier à la police? À Douli, non. Si je suis sûr que c'est lui, ouais. Bah t'es une poucave, tu vois. Voilà. T'es une grosse poucave, tout mais simplement. Mais pas du tout, chérie. Non. Bah, si. Non. Il faut que ce soit justifié. Faut que ce soit dans la cuisine. Oui, non, là, non, là, c'est pas poucave. Non, mais oui, bien sûr. C'est responsable, là. C'est responsable. Toi, t'as déjà dénoncé de fou. Non, jamais. Gros non, jamais. Ça m'est jamais arrivé de dénoncer, je crois. Putain, y a que des gens bien ici. Moi j'ai vraiment des voisins. Ouais, moi j'y suis allé. Hein. Toi, t'as appelé les flics et pas tout. Les flics. Non, j'appelle pas les flics. Alors, bah, t'appelles qui? Ouais. Ta mère. Ma mère. Tu dénonces à qui, du coup? Oui. Une milice syndic ou des trucs comme ça. Tu ah vois. Ouais. Moi, j'ai vu la concierge. C'est encore plus pointu. Ah non, moi je suis allé voir la concierge. C'est plus vicieux. Bah, c'est plus sur le long terme parce que le syndic, du coup, après, peut faire virer. Et moi, j'assume pas de dénoncer, donc je fais. Vous avez entendu cette nuit ou c'est moi? Il y a eu du bruit, hein. Ah bah oui, il y a eu du bruit, on est d'accord, parce que On les a entendus dans la cage d'escalier quand même, machin et tout. Ça, moi, je vais les voir directement. Ah, mais moi, je le fais après. Ah, voilà. Les voir. C'est oui, d'abord, après, je vais voir la personne. Mais s'il y a un manque de respect absolu de la personne qui te chie sur la gueule, à un moment donné, t'es obligé de prendre d'autres dispositions. Non, oui. Voilà. Il n'a pas le temps pour ses. Tu dénonces. Peut-être vous n'étiez pas au courant qu'à 2h du matin, il ne fallait pas faire du bruit. Ouais. Bah oui, bah, je vous dénonce avant. C'est vrai que je ne vais pas perdre du temps. Pendant le premier confinement, il y avait. Le maire du 18e ou du 20e, je sais plus, qui avait dit arrêtez de dénoncer vos voisins pour genre juste. Oui, il a promené trois fois son chien. Oh, mais dans quel monde on vit? Bah voilà aussi, je suis très vénère. Ça, c'est vénère. Voilà. Ça, c'est vénère. Ça, c'est grave. Ça, c'est très vénère. Qu'est-ce que ça peut te foutre dans ta vie de merde? Dénoncer pour des trucs qui n'ont aucune incidence, a priori. Sur cela dit, sans ces gens-là, il n'y aurait plus de Covid. Un homme a été condamné en Autriche pour délit de fraude aux prestations sociales. À votre avis, qu'a-t-il fait? Délit de fraude aux prestations sociales. Alors c'est une façon très compliquée pour dire qu'il voilà, il a juste brugé la justice. Est-ce que c'est un rapport avec le Covid? Aucun rapport avec le Covid. La maladie. Il a déclaré des enfants qu'il n'avait pas. Ouais, avec les allocations, quelque chose. Non, comme mais ça. On est dans cet esprit-là en tout cas. J'ai lu un truc récemment qui était pas mal. En gros, c'était un mec qui avait fait croire à sa meuf qu'il était propriétaire de l'appart et lui demandait la moitié du loyer tous les mois. Non, mais c'est une super idée. Incroyable. Et bravo à lui. Ouais, un génie pur. Il s'est fait passer pour un handicapé. Il a. Non. Non, mais on est sur la maladie ou pas? On n'est pas sur la maladie, mais on est sur une histoire de faire passer pour. Ouais. Il s'est fait passer pour une femme. Non. Chips. Énormément possible, vraiment. Point Break 2. Il s'est fait passer pour un enfant. Non. Il s'est pour fait passer ouais, pour un vieux. Non, c'est pas lui qui l'a fait passer pour quelque chose. Il a fait passer son fils, non. Son enfant, non. Son chien, non. Sa femme, non. Oh, j'ai un petit truc. Sa maison, non. Un pote à lui, non. Son travail, sa poupée, sa poupée Rindol. Un proche était mort et il gardait le cadavre chez lui pour recevoir encore de la pension. Alors, c'est terrible, mais très bonne réponse. Je suis un spécialiste de ça. Les investigations ont révélé que cette femme de 89 ans était décédée en juin 2020. Et que l'homme de 66 ans avait conservé son corps afin de continuer à toucher des allocations. Mais attends. Le suspect, qui résidait avec elle près d'Innsbruck, a avoué au cours de sa garde à vue avoir congelé la défunte pour s'assurer de l'absence d'odeur, malin, avant d'absorber les fluides corporels avec des bandages. Non, il s'est fait chier quand même. Il l'a pas mangé, il a mis des bandages. Non, mais il est beaucoup trop renseigné. Un corps qui. Puis, il a recouvert sa mère de litière pour chat. Et finalement a momifié. Il est parti en couille à un moment donné. Non, c'était pour momifier le cadavre. Voilà, tout simplement. Juste fais-le sans conserver le corps en fait. Enfin, enterre-le et fais semblant qu'elle est vivante quoi. Enfin, genre. C'est-à-dire qu'il a tapé sur Google litière pour chat mort. C'est pas comme s'il y a l'inspecteur des impôts qui allait venir. Elle est vraiment vivante votre mère? Oui, bah, regardez. Elle dort. Elle est dans la litière de chat. Litière de chat sur un fauteuil. Vous voyez bien qu'elle est là. Regardez, regarde la télé. Elle a sac à la tronçon. Elle a des glaçons. D'accord. Les cheveux gelés, tu sais. D'accord, elle dort, mais le chat lui pisse dessus. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Oh mon dieu. Et au bout d'un an, quelqu'un s'est rendu compte que cette dame était morte. Oui, alors en fait, c'est là où. Derrière ce crime parfait, il cache une petite tuelle puisqu'il avait un frère. C'est pas lui qui l'a tué, elle était morte. Non, elle était morte avant. Okay. Non, il a tué personne. Ça va, c'est un bon gars. Ouais, non. C'est pour ça, c'est pas si grave. Son vivant, c'était un fils excellent. Bien mais du sûr. Coup, est-ce que tu vas en prison pour ça? Bonne question. Oui, parce qu'en fait, mais pas pour la raison. C'est ce que je disais, fraude. Oui, c'est ça. Délit de fraude aux prestations et de recel de cadavres. Oui, donc il va plus en prison pour la fraude que pour avoir mal géré le corps de sa mère. Oui, on mal géré. On ne juge pas. Est-ce qu'on aurait fait doigts. Mieux Je ne crois pas. Tu te fais taper sur les doigts au minimum. Quoi, oui. Genre, on te cadavre, dit que c'est pas bien quand même. Tu recopies 100 fois, je ne momifie pas ma mère morte. Avec de la litière avec en plus. Avec la litière pour chat. Je pense que c'est ça aussi. Pourquoi la litière ouais. Pourquoi vous avez fait ça donc voilà. Attends, et donc il avait un frère? Il avait un frère et c'est comme ça qu'en fait il s'est fait griller. C'est qu'à un moment le frère a dit mais donc, le frère à Poucave. Le frère a été détesté par Douli puisqu'il puis a Poucave. Puis-je avoir un cornetto? Prends-le dans la glace. Non. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi il y a de la litière dans le congèle? Gratte un peu, tu vas voir une belle surprise. Ah tiens, c'est maman. Quel enfer, mon dieu. Aïe. C'est comme ça que pendant le procès ça a été retranscrit. Le greffier. Aïe. Aïe. C'est maman. Chers amis, j'ai prévenu nos amis auditeurs que vous étiez invités, la commu, les flots de Castaldos, bien sûr. Ouais, que vous étiez invités. Ils ont donc plusieurs questions pour vous. La première question est pour Douli. Hey. Comment as-tu été recruté pour faire partie de la grande famille du Groland ? Du Groland. Parce que c'est vrai que tu es, pour les gens qui ne le savent pas, animatrice du Zapoy. Absolument, oui, oui. Bah, je savais pas, moi, c'est quand même, c'est la meilleure équipe du monde, déjà, je tiens à le signaler. Les derniers punks du PAF. Ah bah complètement. Bah déjà à Canal, c'est les seuls qui sont là depuis longtemps ils et qui arrivent à faire leur truc. Tous extraordinaires. Non, ils étaient venus voir le spectacle, Benoît et les et prénoms de tous malheureusement. Benoît Delépine. Ah, ils sont géniaux, je les adore, Benoît et Benoît et Gustave. L'autre. Et le barbu. Non, on n'a pas précisé au début, mais je n'avais pas beaucoup dormi. Benoît et Gustave sont venus voir le spectacle il y a 2 ans. Mmh. Et voilà, et du coup il y a eu le premier confinement, ils m'ont appelé pendant le confinement, ils m'ont dit est-ce que ça te dit de faire ça. J'ai dit oui. Trop bien. Évidemment. Oui, Groland, c'est vrai, c'est l'esprit harakiri, des trucs comme ça. C'est vrai que c'est un peu les derniers qui. Et tu fais ça, c'est que ça prend combien de temps dans ta. Non, c'est on enregistre une fois par semaine tous les D'accord. lancements. Ouais, ouais. D'accord. Non, c'est très chouette. C'est le Zapoy et c'est diffusé quand ? C'est sur Canal ? Alors, avant, c'était tous les jours, mais je crois que la grille a changé. Mais moi, tu sais, j'ai pas la télé depuis 15 ans. Bientôt, tu l'auras. Du coup, il me semble que maintenant, ils vont le mettre le dimanche. D'accord. Mais que ça dure plus longtemps. Mais okay. Il faut vérifier dans Télé 7 jours. Les abonnés de Télé 7 jours iront vérifier. Un des sketchs les plus drôles que j'ai vu de ma vie, c'était un sketch de Groland justement, mais qui est introuvable sur internet, j'aurais pu le retrouver. En gros, c'est un chômeur qui envoyait un CV, il avait pas de boulot, et du coup il envoie plein de CV, il se rend compte que c'est trop d'envoyer des CV dans une semaine, donc du coup il engage quelqu'un pour envoyer des CV, et en fait il crée une société pour envoyer des CV, et c'était vraiment drôle. C'est très très marrant, Groland, moi j'avais j'ai grandi moi avec Groland, et j'avais plein de DVD, de trucs, j'ai une vieille, une de mes... La première star que j'ai vue à Paris, c'était Jules-Édouard Moustique, et j'ai une photo. J'avais 18 piges, j'étais allé voir Groland dans le public. Quoi. Je trouve ça toujours surprenant quand je vois sur des voitures l'autocollant précipoté. Je l'avais, moi, le GRD précipoté de Groland. J'ai foutu sur ma valise. Ouais. Bah ouais, bien sûr. Et ils font des films super aussi, d'ailleurs. Caverne et Delépine, ils font des super films. Ils sont géniaux. Ils sont très très forts. Ouais, ouais. JB, je voudrais savoir si tu as déjà pensé à te lancer dans la réalisation de films ou de courts-métrages. Ouais, écoute, je n'avais pas annoncé. Non, mais c'est quelqu'un qui pose la question. Mais c'est ce que je prépare cette année. Oh. Ah, tu vas le faire cette année. Je vais le faire cette année, ouais. Sublime. Je prépare mes oui. deux premiers. Okay. Non, mais je prépare la réalisation de mes deux premiers courts-métrages que j'ai écrits et j'aimerais lancer ça très bientôt. Génial. Trop bien. Et puis voilà. Génial. C'est ouais, donc ça va être de la fiction. Ouais, c'est de la fiction et ça va être quelque chose de nouveau sur la chaîne. Je voulais faire ça depuis longtemps et puis voilà, on verra quoi. Ouais, mais ça n'a rien à voir avec du cinéma. Non, pas du tout. C'est vraiment de la fiction. C'est de la fiction pure. Voilà. Ouais. Ornella, tu as fait de la scène il y a quelques années. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait te réintéresser ou pas du tout? Oui, c'est quelque chose qui pourrait me réintéresser. Après, tout dépend parce que j'ai fait de la scène. J'ai fait du stand-up, donc. Seul, hein, voilà. Et t'as fait du théâtre aussi. Et j'ai fait du théâtre. Ouais. Et j'avoue que les deux pourraient me retenter. Après, pour le stand-up, en fait, j'ai l'impression quand même qu'il faut avoir des choses à raconter sur scène. Et pour le moment, c'est vrai que j'ai pas le truc qui fait que... Enfin, tu vois, il y a quand même un thème au spectacle, tu vas quand même parler de quelque chose. J'ai pas envie de juste monter pour faire des blagues qu'on a déjà entendues 50 fois, même si c'est drôle. Ouais. Voilà, donc en fait... J'attends d'avoir le plus en fait un truc à raconter pour monter sur scène, mais c'est quelque chose que j'aime vraiment passionnément. La scène, j'adore ça, donc oui, pourquoi pas. Mmh. Voilà. Parce que là maintenant, tu es donc sur Canal+. Totalement. Dans le programme, ils ont dit que t'as eu l'idée pendant le confinement. Tu t'en avais tourné pendant le confinement. Pendant le deuxième, parce qu'il y a, tu sais, il faut préciser maintenant. Oui, c'est vrai, il y en a eu plusieurs. Ouais, j'ai eu l'idée pendant le deuxième confinement et c'est un programme que j'avais, que j'ai créé en janvier, du coup 2021. Ouais. Et que j'ai posté sur mon réseau, parce que je n'ai que Instagram. Ouais, ouais. Et voilà, et j'avais fait 9 épisodes sur Instagram. Et maintenant, ils sont sur Canal. Enfin, c'est des nouveaux. C'est des nouveaux, t'en as écrit des nouveaux. Tu co-écris d'ailleurs. Ouais, je co-écris avec Léo Grandperret et Martin Darondo. On est tous les trois à écrire ça. Et franchement, c'était un bonheur d'écrire avec ces deux-là. D'ailleurs, ça marche très, très bien. Et voilà, et je suis très contente. Le programme est sorti le 6 septembre et c'est sur Canal du lundi au jeudi. D'accord. À 20h25. Voilà. Julie applaudit. Elle a envie d'applaudir. Merci. Elle a envie d'applaudir. Ouais, donc tu en as combien là, tu, il y en tu... a 20. D'accord. 20 nouveaux. Et peut-être 20 après. Inch'Allah. Inch'Allah, bien sûr. Exactement, on verra. Inch'Allah. J'espère. Adrien, bah, tu es revenu sur Twitch. Exact. Comptes-tu reprendre une activité régulière? Tu vas un peu comme ça, j'ai l'impression. Comment? Toi, t'es un mec qui va comme ça, tu vas au feeling. C'est une question de feeling d'ailleurs. C'est une question de feeling. Ouais. Non, ouais, ouais, ouais, là je pense que. Bah, en plus, j'ai pas de. Enfin, là, j'ai pas de tournage prévu pour l'instant à venir et tout. Donc, je pense que ouais, je vais m'y remettre plus. Y a pas de tournage, mais alors je sais pas si t'as le droit d'en parler, si t'as pas le droit, on coupe, mais tu rejoins un nouveau truc là. En termes de tournage. Et c'est coupé. Un programme court. Ah oui, mais oui, non, mais j'ai deux jours, lundi et mardi. Après, j'ai fini. Oui, mais est-ce qu'on peut parler de ce nouveau programme court dans lequel tu vas apparaître? Bah, je sais pas si j'ai le droit. Bah, dis-le et puis au pire, je le couperai. Alors, je suis dans la petite histoire de France. Et oui. J'incarne un Gaulois. C'est le Gaulois. Alors, je vous montrerai une photo. Adril Gaulois. Adril Gaulois. C'est le nom du personnage. Adril Gaulois. Adril Gaulois. J'ai exigé. Non, et voilà. Et, sur M6 c'est W9. W9. Et ouais, je joue un nulos. Parce qu'il y a un nouveau couple. C'est ça, il y a qui un d'une nouvelle époque. Une nouvelle les famille Gaulois. De Gaulois. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Ils ont créé une nouvelle époque pour la nouvelle saison. Je suis en full allergie là, hein. C'est pour ça que je renifle et tout, et que je pleure. C'est l'époque là. C'est les chats. C'est les chats, ouais. Oui, mais c'est le chat. Ça veut dire que ça va arriver sur moi bientôt. J'ai passé le ménage avant que t'arrives. J'ai passé le ménage. J'ai fait le ménage. J'ai passé l'aspirateur. Non, mais il y en a partout. C'est pas. T'es infragile, mon pauvre. Bah, bien sûr. Je te dise. Pour ça que je veux aller vivre sur une île déserte. Putain, y a pas des preneurs de chats qui foutent leur folie partout. Avec Gentil, et il t'attend d'ailleurs. Bah, je paierai les 1200 balles. Et tu vas être dans la série de Bat aussi avec oui, Ramzy. Oui, bien sûr, oui. Mais non, mais c'est pour dire que là, j'ai deux jours encore sur la petite histoire de France. Après, j'ai fini, donc je vais me mettre sur des projets perso et continuer Twitch. Là, ces derniers jours, je streamais le matin, et c'était très très sympatoche. Je vais sans doute continuer un peu à ce rythme-là. Trop bien. Sympatoche. Bah ouais, c'est sympatoche, bien sûr. Et oui. Une question un peu pour tout le monde, qu'il s'agisse d'idées de sketch, de vannes ou carrément de scénar, lorsqu'une simple ébauche vous traverse l'esprit, qu'en faire? Parce que vous imaginez toutes ces idées, vous les noter quelque part, ou est-ce que vraiment vous vous posez un matin à 9h30 en disant ça y est, faut que j'écrive? Douli par exemple, comment s'est construit ton spectacle? Oulala, non mais alors c'est à dire que c'est comme l'administratif, il faut, si tu lis mes notes, vraiment tu penses que c'est la personne qui a pris des substances. Et moi-même je me demande, mais je me dis putain, ça fait pourtant des années que j'ai arrêté la drogue et qu'est-ce qui s'est passé. Je me relis vraiment, déjà il faut que je comprenne ce que j'ai voulu dire. C'est mieux les notes vocales au final, parce que du coup il y a quand même l'intention, le ton. Ouais. Parce que sinon à blanc comme ça, mais oui j'ai plein de trucs, vraiment plein dans tous les sens, mais c'est vrai que je suis pas quelqu'un d'organisé, donc du coup ça peut stagner longtemps quoi. Et c'est avec le rodage ensuite que tu construis le spectacle? Ouais. Ou ouais. Je joue différemment tous les jours, je crois, un peu, enfin je change des trucs. Mais tu vois par exemple les hypnoses que j'avais fait pendant le premier confinement là, ouais. Le deuxième aussi d'ailleurs, bah, c'était que des conneries comme ça, que des phrases que j'avais notées depuis des années sur le truc, et tu prends ça et puis t'en fais tu brodes autour quoi. Mais oui, c'est pas construit, je suis pas quelqu'un de qui me lève à 9h30 pour dire allez celui-là j'y vais quoi, tu vois. Non. On est là, toi, sur les. D'ailleurs, sur Ils ont dit, mais même en général. Comment est-ce que vous vous posez pour écrire, ou est-ce que pareil, il y a un peu le bloc-notes quelque part, sous le coude, ou dès qu'il y a une idée Bah, alors là, en l'occurrence, pour la série, effectivement, oui, on s'est posé tous les trois, on a établi les thèmes, après on discute, qu'est-ce qui nous fait le plus rire, là où on a le plus d'idées, tout ça. Donc là, c'est quand même. Effectivement, on est obligé de se lever à 9h30 et vraiment de travailler quand même. Après, pour le reste, quand t'as des idées un peu comme ça qui te traversent l'esprit, je pense quand même qu'on sait à peu près tous si c'est vraiment une idée de merde ou si c'est intéressant. Ouais. Donc, dès que tu sens qu'il y a un petit truc, ouais, moi je le note dans mes notes sur l'iPhone. Donc, effectivement, j'ai plein de notes qui n'ont aucun sens. Ouais. Ouais, ouais. Mais c'est des trucs où je me dis, ah, ça pourrait peut-être me servir et tout. Donc, ouais, je note quand même. Et puis après, parfois, quand je pense que c'est pas si mal, je me mets sur mon ordi et j'écris un petit peu. Ouais. Et parfois, tu te rends compte aussi vite, hein, au bout d'une page, quand c'est l'idée qui finalement n'ira pas plus loin que cette page, tu vois, voilà. Bien sûr. Mais j'ai pas une routine d'écriture, tu vois. JB, toi, comment tu fais sur toi, c'est vrai que c'est des trucs un petit peu plus. Ouais, moi j'ai plus sérieux, donc j'imagine qu'il y a peut-être un peu plus de. Sérieux, waouh. Non. Non, mais un peu plus. Bah si. C'est, non, mais ce que je fais sur la chaîne. C'est pas de la comédie, ce qui. Oui, oui. Non, mais ce que je fais, oui, oui. C'est que je raconte des histoires, mais là, par exemple, pour les. Il y a un travail de recherche, de documentation. Ouais, de documentation. Bien sûr, bien sûr. Mais non, mais là, plus pour les cours, par exemple, ce qui se passe, c'est que j'ai des flashs de scène. En général, c'est souvent le début et la fin. Puis après, l'idée, c'est de broder le milieu. Mais en fait, tu pars d'un flash d'une scène, et puis après, tu écris toute une histoire autour de cette scène-là, même s'il n'y a pas vraiment d'histoire qui existe, quoi. Mais à partir d'une scène que tu as en tête, bah, tu crées une histoire. Enfin, c'est un peu comme ça que je fais. Mais des fois, c'est même des formulations. Enfin, moi, je sais que j'ai deux, trois dialogues où c'est juste. Quelqu'un qui a une phrase ou un truc, une façon de construire une phrase qui est marrante, et moi des fois je juste note une formulation ou un truc comme et il n'y a rien quoi, enfin, c'est juste une formulation de phrase que je trouve rigolote et je sais pas on a tendance à tout noter du coup et du coup c'est un merdier moi je sais quand j'écrivais sur Bloqué c'était vraiment même n'importe quoi, enfin tout est bon potentiel, potentiel gag, et il y avait des fois des réunions qu'on faisait avec les garçons, donc Clément Cotentin, Aurel Sainte-Gringe, Kian Colandi et Navo. Ou juste c'est des phrases où tu dis, je sais pas, est-ce que vous ça réagit comment vous trouvez vous ça disons les tables, c'est pas des tables basses hautes, enfin j'en sais rien, tu vois, des trucs qui n'ont aucun sens, tu vois, non, personne, très bien, ok, donc ça dégage. Voilà. Mais c'est vrai que Doulé a raison, c'est important les notes vocales pour l'intonation, ça change des notes à l'écrit, parce que parfois tu relis des trucs à l'écrit et tu dis, mais attends, mais tu sais même plus pourquoi t'as écrit non. ça. Non, ouais, il faut l'intention, parce que sinon, comme ça à plat, ça veut vite rien dire du tout. Adrien? Toi t'as un petit carnet aussi je crois. Moi c'est des notes c'est dans le téléphone. Dans le téléphone. Tout, ouais mais je note beaucoup de trucs et à l'époque des sketchs généralement c'était j'avais une note avec des idées de sketch et puis en fait le fait de le noter tu sais que tu l'as dans un coin mais je pense que ton cerveau est... enfin en fait je me laissais un peu le temps de que ça mûrisse. Ça mûrisse en tâche de fond que ça continue de réfléchir et puis au bout d'un moment quand tu sens que t'es prêt pour en faire quelque chose tu reprends ton idée et puis là tu la développes mais il y a toujours un moment pour moi où t'es obligé de te poser un peu à un bureau et de faire quelque chose mais je trouve que moi j'aime bien commencer à essayer de bosser genre par me documenter faire des trucs machin etc et après genre aller marcher réfléchir, j'ai besoin d'alterner quand même. Ouais. Bon, après, une fois que t'es dans l'écriture, vraiment écriture, c'est juste taper là, tu restes devant l'ordi toute la journée. Mais quand t'es au stade de trouver les idées, les dialogues, les trucs, même la structure, plus ou moins, moi j'aime bien le faire en marchant parce que c'est vraiment le moment où t'es le moins distrait. Quoi. Sur l'ordi, c'est facile d'aller sur Facebook, aller sur. Et donc j'aime bien quand même alterner. Mais c'est vrai ce truc, moi mes idées, je les ai quand je marche dans la rue en écoutant de la musique. Ou alors en prenant ma douche, c'est vraiment les deux endroits où La douche, pareil. Déjà, j'avais acheté un calepin où tu peux écrire sous la douche. C'est du papier. Non, mais c'est vrai, parce que parfois, t'as des idées dans la douche et en fait, tu les oublies quand tu sors. Parce qu'en plus, tu te répètes. C'est comme quand t'es aux toilettes avec ton portable, tu dis n'oublie pas ton portable, n'oublie pas ton portable, n'oublie pas ton portable. Et tu dis il est 12 PQ et t'oublies ton portable. La vitesse à laquelle ton cerveau. Après, la douceur du PQ te touche beaucoup, cela dit aussi. Très marqué étant petite par mon tonnel. Mais cela dit, moi j'aime bien la petite bride de phrase parce que c'est aussi ça qui fait que. Alors quand t'écris avec d'autres gens, c'est ça aussi qui. Le fait qu'ils comprennent pas exactement ce que toi t'as voulu dire peut faire rebondir aussi la personne en face. Oui, il y a des trucs géniaux comme marrant. Ça, je trouve ça assez cool. Ornella, à une époque, tu parodiais des gens connus. Est-ce que tu as déjà croisé des gens connus que tu as imités? C'est vrai qu'à une époque sur YouTube, tu avais fait Mélanie Laurent qui avait beaucoup tourné. Oui, alors je l'ai fait deux fois. Je l'ai fait pour Zaya et pour Mélanie Laurent. Ouais, moi c'était Mélanie Laurent que j'avais vu passer. Toi, t'avais vu Mélanie Laurent. Et ben non, je les ai jamais croisés, ni l'une ni l'autre. Bon, ça va. Écoute, je t'ai pas fait taper sur les doigts. Non, mais en même temps, tu parodies des gens qui sont connus, qui ont une carrière, qui ont. Du coup, c'est vraiment. Enfin. C'est gentil, c'est de la blague, mais ça reste quand même. T'es pas en train juste d'insulter quelqu'un. Ouais. C'est de la parodie. C'est une forme d'humour, normalement. On parle souvent de bienveillance et tout dans l'émission, mais c'est vrai que moi, j'ai toujours un truc où. Et on ne l'applique pas, on en parle. non, mais ce que je veux dire, c'est que sur les gens connus qui ont beaucoup de succès, moi, je trouve ça plutôt sain. Moi, j'écris avec Baptiste Le Caplin, par exemple, qui aime bien, des fois, faire des vannes sur des gens connus. Et on essaie toujours un peu de mesurer le niveau, quel est le succès de la personne et, mais... et l'intensité de la blague. Ouais. Après, Adrien a chié allègrement sur Tom Cruise tout à l'heure. Il s'agit du flow de casse. On va passer aux recommandations culturelles. Adrien, est-ce que tu... Non, tu me fais de la tête. Si, j'ai un jeu. Un jeu vas-y, je vais dire ça, j'ai rien d'autre. Est-ce que tu peux mettre moins d'entrain, s'il te plaît ? Peut-être même nous insulter. J'ai rien consommé de nouveau depuis la dernière fois. Non, mais c'est un jeu qui s'appelle Horde, O-R-D, un jeu sur, sur iPhone et peut-être sur Android, je sais pas. Et en gros, c'est un jeu d'aventure textuelle. Sauf que le principe, c'est que aussi bien la narration que les choix qu'on peut faire, c'est juste un mot. Okay. Donc par exemple, il y a marqué genre forêt, entrée, contournée. Et donc tu choisis entrée ou contournée. D'accord. Et à chaque fois c'est ça, c'est-à-dire que t'as un mot et deux choix. Et à chaque fois c'est juste, enfin c'est un peu nul d'écrit comme ça. Mais, non mais c'est vachement bien. C'est un jeu d'aventure, mais en gros vraiment la description de la situation. Minimaliste un petit peu. Voilà, très minimaliste. Ouais, c'est vraiment noir sur fond blanc avec des fois. Ah oui, en plus. Ah oui, ouais, avec des fois des petits effets visuels, genre s'il pleut, il y a des gouttes qui tombent et tout. Ouais, c'est pas mal, c'est très minimaliste, mais et le truc c'est que bah des fois un des deux choix, tu meurs, donc tu recommences au début. Et du coup tu dois te souvenir des choix qui sont mauvais. Parce d'accord. que c'est jamais deux fois la même aventure. C'est une sorte de mix entre le memory et le livre dont vous êtes le héros, c'est ça ? Bah, et Batman. Ouais, c'est un livre dont vous êtes le héros, mais minimaliste. Et sauf qu'en plus, du coup, c'est aléatoire les scènes que tu rencontres, donc ça va pas être deux fois le même truc. Ça, c'est sympa. Et ça. Du coup, faut que tu retiennes les bons choix. Mais tant mieux, parce que si c'est en plus minimaliste et tout le temps la même chose, ça commence à faire peu de. Non, c'est vachement. Un jeu pas ouf finalement, si jamais c'est ça. Non, c'est un chouette jeu, voilà. Tu stream un peu ou pas du tout? Pas du tout. Sur iPhone, pas trop. C'est vrai, une question voilà. idiote de ma part. Non, ça doit être possible, mais non. Douli? Oui, alors moi j'ai deux trucs, chérie. J'ai vu cette expo, je connaissais pas du tout Stéphane Blanquet. Apparemment, d'accord. Il est très connu. Ah, il fait de la BD aussi. Ouais. Et donc, ça, à la Halle Saint-Pierre, dans les têtes de Stéphane Blanquet, c'est une expo, elle est incroyable. D'accord, je connais pas du tout. Vraiment, c'est ouf, ce mec est dingue. C'est jusqu'à quand c'est... Ben, ils ont prolongé, je crois que c'est jusqu'à janvier 2022. Bon, très bien. Donc, si on est large. Paris, mais franchement, vraiment cool. Et sinon, j'ai découvert la BD Métropolitaine, Transmétropolitaine. D'accord. Et c'est Warren Ellis et Darick Robertson. Très bien. J'ai pris parce que je n'ai aucune mémoire des noms. À part le premier PQ que tu as utilisé. Ouais. C'est ça, celui-là est très important. Il a marqué toute une époque. Et c'est assez fou. C'est complètement barré. Hein. Le mec est complètement jeté. Mais, c'est mais pas de la comédie. Mais c'est drôle quand même. C'est drôle, mais trash, quoi. C'est... D'accord. Ouais, ouais. C'est pas pour tous les gens. Ouais. Mais. Enfin, si t'aimes Martine à la plage, tu vas peut-être pas aimer ça. Oui, c'est une autre ambiance. Une autre ambiance, mais vraiment, je conseille, hein, parce que c'est quand même assez chouette. Voilà. Très bien. On est là ? Alors, écoute, moi, je suis allée voir hier la première de Maurice Barthélémy au Théâtre de la Pépinière. Bien sûr. Et il fait... C'est un seul en scène qui s'appelle « Fort comme un hypersensible ». Qui est adapté de son bouquin. Exactement, qui est adapté de son bouquin. Et c'est hyper intéressant. Ouais. En fait, il parle de son hypersensibilité à lui. Et il raconte qu'est-ce que l'hypersensibilité. Et en fait, ça n'est pas une maladie, mais ça touche quand même énormément de personnes. Et je pense que je suis une hypersensible. Mmh. Alors, chacun ne coche pas toutes les cases de l'hypersensibilité. On a... tous les sens, en fait, peuvent être... on a un truc avec, effectivement, la vue, un truc avec l'odorat. Moi, j'ai un truc très particulier avec l'ouïe. C'est-à-dire que depuis tout à l'heure, il y a un truc qui grince sur cette table qui me rend fou. Ah bah merde, je n'ai pas osé le dire. Début. Oui, non, mais elle grince beaucoup. Oui, mais tu vois, t'as un truc où... tu peux bloquer sur quelque chose qui peut te rendre barjo. D'accord. Et en fait, il y a des gens qui ont des degrés différents d'hypersensibilité. Ça peut t'empêcher d'être vraiment adapté au monde. Adrien avec les poils de chat, je crois, c'est de l'hypersensibilité. Mais j'allais dire, je pense, Adrien, je pense que tu es totalement un hypersensible. Je te conseille d'aller voir peut-être le spectacle de Maurice. Non. Et c'est vachement bien. Mais c'est pas que de la comédie, parce qu'on pourrait croire, vu que c'est Maurice des Robins des Bois. Bien sûr. Voilà. Non, c'est pas du tout de la comédie, même si évidemment tu ris, parce que de toute façon, il a un ton. Il a une tête marrante. Il est rigolo. logiquement, il y a un truc un petit peu comme ça. Bon, voilà. Non, non, bien sûr que tu rigoles également et tout, mais c'est vraiment. Je dirais pas que c'est une conférence, mais c'est quand même un truc où t'apprends pas mal de choses et à la fin, t'as un petit temps où il laisse les gens lui poser des questions et tout ça. Et c'est très intéressant. D'accord. Voilà. Donc fort comme un hypersensible. Fort comme un hypersensible. C'est à Paris aussi. Je sais pas s'il va faire après un tour un peu en France. Je crois qu'il y a une tournée, mais en ce moment, c'est au Théâtre de la Pépinière. Théâtre de la Pépinière. Oui. Très bien. Voilà. Jean-Baptiste Toussaint de la chaîne Tell From The Click et du podcast We Love TFTC. Oui, bien sûr. Moi, ça va être le dernier album de Cassandra Jenkins. Bien sûr. C'est l'album que... C'est l'album que j'ai le plus écouté. Non, c'est l'album que j'ai le plus écouté cette année. C'est celui que je trouve le plus beau pour l'instant. C'est très bien écrit. Et puis. C'est quoi? C'est de la folk. C'est. Je sais pas si on va appeler ça de la folk, mais en tout cas, c'est assez doux. C'est de la folk. Non, mais il y a des guitares et des coupes de merde. C'est de la folk. Non, il y a comme une pluralité dans les instruments et tout. Donc, on peut pas dire vraiment que c'est de la folk, mais voilà, c'est vraiment très beau et surtout, c'est très très bien écrit. Si les gens veulent écouter, je leur conseille de lire les lyrics en même temps. Ouais. Et puis voilà, pour moi, c'est le meilleur album de l'année. On le fait plus, ça. On le faisait beaucoup quand il y avait les. Quand on achetait des CD, ouais, c'est lire vrai, les paroles. Grave, ouais. Lire les paroles en écoutant de la musique, moi je faisais on beaucoup ça. Sortait la petite pochette. Et... Mais maintenant, tu peux le faire sur iTunes. C'est génial, ça, tu t'écoutes. Ah bon? Tu sais j'utilise pas iTunes. Ah d'accord. Eh bien voilà, il y a ça. Quand tu peux lire les paroles. Bien sûr, quand t'écoutes une chanson sur iTunes, t'as bien sûr. Même sur Spotify, sur certaines chansons. Eh ben voilà, sur iTunes, quasiment sur toutes, t'as les paroles qui défilent, t'es en petit karaoké. Un karaoké personnel, un petit peu. C'est génial. Pardon, vas-y. Non, vas-y, vas-y. J'étais à Gilbert Joseph il y a quelques jours, parce que je suis un mec qui est blindé de thunes, vous m'entendez, donc je sais pas quoi en foutre. T'achètes d'occas, quand même. J'achète d'occas. Et j'achetais des vinyles, mais j'étais pas loin du rayon CD. Et il y a une vieille dame qui voulait acheter Maître Games, parce qu'elle dit j'adore, je suis fou de Maître Games. C'est génial. Elle était folle de Maître Games. Comme Sardou qui est fou de métal. Comme Sardou qui est fou de métal. Elle dit pour moi, Maître Games, ça envoie du sax. Elle l'a dit. Et en gros, son débat était de demander au vendeur est-ce qu'il y a les paroles dedans ? Et le vendeur était bien embêté parce qu'il n'en savait rien, parce que le truc était sous blister. Et oui. Va sur Genius. Ouais, non, mais voilà. Et il lui a dit, si vous voulez, c'est sur Internet. Il fait, oui, mais Internet, moi, j'aime pas. Moi, je l'achète, mais il faut qu'il y ait les paroles. Et donc, mais je comprends. Et c'est génial, parce que du coup, le vendeur, je pense qu'il n'a jamais eu cette question. Il ne pouvait pas lui répondre. Il dit, écoutez, je peux pas vous promettre. Enlève le cellophane et. Il l'a pas fait. Il l'a pas du tout. Il l'a pas fait, parce que s'il n'y a pas les paroles, elle ne l'achète pas, je pense. Ah, bah oui, c'était sur tout le but. C'est pas, elle l'achète pas non plus. Elle va pas être déçue. Si elle les trouve, les paroles. Ouais. Hein. je regrette. Je regrette c'était tout. C'était donc ça. Mais justement, j'allais parler de Genius parce que moi, j'adore cette application. Donc, il y a toutes les paroles. Et surtout, il y a des paroles qui sont surlignées en jaune. Et quand c'est surligné en jaune, ça t'apporte une explication de pourquoi, en fait, cette parole. Ah. Ouais. Je trouve ça assez cool. Ah ouais, c'est et c'est pas participatif, ça. C'est participatif. C'est participatif. Ouais. Sachant que il y a des fois les artistes eux-mêmes. Ah ouais. Qui. Alors. Putain, il faudrait que j'essaye de retrouver ça. Parce bah que c'est vraiment pendant drôle, que tu cherches, j'ai là, une mini anecdote. Parce qu'il y avait Damso qui avait. Ouais. Damso qui répond à des gens, des commentaires Genius. Et Damso avait répondu sur ses propres chansons. Et rien à voir. Il aura peut-être pas dû. Mais j'ai essayé de retrouver. Parce que moi, j'ai une anecdote avec Yvick, ou quelqu'un, donc Mister V, qui a fait deux albums de rap. Et quelqu'un avait mis les paroles, parce que lui, pareil, il n'y avait pas de pochette. Et c'était pas les bonnes paroles. Ah ouais. Et c'était des paroles. Comment dirais-je, vu que je suis blanc, il y a des mots que je peux pas dire, mais vous m'avez compris. Okay. Où il y a plutôt du N-word, et il disait pas ça, il disait en gros comme au Monténégro, et les gens disaient monter comme un. Voilà. Okay. Ah oui, d'accord. Du coup, il était genre, c'est pas du tout ce que j'ai dit, les gars, j'ai pas du tout dit ça. Tu peux te foutre dans la merde. Bah après, voilà, il est lui qu'il s'en fout, mais il a quand même expliqué pas du tout les paroles que j'avais. Ouais, c'est clair. C'était genre l'opposé, rien à voir finalement. Rien à voir avec ce que je disais. Non, je retrouve pas le screenshot que j'avais. Pour le prochain épisode. Mais c'était assez drôle. Parce qu'en gros, il expliquait un truc qui était vraiment totalement évident. Et tu disais, oui, bah. D'accord, on avait compris. C'est juste que c'est pas. Oui, c'est genre mon cœur est sombre. Et tu fais oui, comme ça, il n'y a pas de lumière dans mon cœur. Non, mais c'est le truc. Jambes dans mon cabriolet. Oui, bon, bah, il entre dans son cabriolet. Non, mais en gros, c'était les paroles où il dit fais pas celle qui veut pas, je t'entends t'épiler la chatte. C'était ces paroles-là. Ouais. Il disait c'était pour dire que malgré ses manières, elle voulait tout de même se faire belle, machin, etc. Tu fais oui, mais d'accord, c'est juste pas ouf, quoi. On a compris le sens des mots. C'est pas ça qui nous. qui nous fait tiquer en fait. Bah, épiler la chatte, je voulais dire se faire belle. Oui, oui, bah, je voulais parler de la vagin, vulve. C'est le vagin. Hein, la vulve, évidemment. Bah, justement, oui, là où c'est intéressant dans cette appli, c'est qu'en par exemple, il y a des noms propres. Ça va être sur l'union en jaune, il y aura écrit, bah voilà, il parle d'un célèbre auteur du 18e siècle, etc. Ouais. Et c'est là que c'est intéressant. En fait. Mais je ne connais pas cette appli. Ou hein, épiler la chatte aussi. Ouais, non, si, moi bah, je Génus, ouais. Bah oui, écoute. Mais je crois que Génus, c'était que le rap. Mais ouais, en fait, moi c'est tout. C'est génial. Ah ouais, non, mais on ça va mieux l'allergie, Adrien, j'ai l'impression. Ouais, c'est. Ouais, c'est pas t'as ouvert la fenêtre en ouais, fait. J'ai ouvert la fenêtre. Bah, tu m'étonnes. Moi, je vais vous conseiller un film qui est très vieux, mais j'ai Allez, vu qu'il est sur mes canals et je l'avais. En fait. Comment ? Un film comme par hasard. Mais enfin, pour qui tu te prends ? Mais après, il a un paillasson Batman. Mais enfin, ouais, ne fais pas innocent une fois encore. Hein. Ouais. c'est le film La Baule les Pins que j'avais jamais vu. Ah, je l'ai vu pour la première fois il y a une semaine. Et tu vois, enfin. C'est incroyable. Au final. De Diane Curis avec Nathalie Baye, Jean-Pierre Bacri, Zabo Bretman et. Richard Berry et Jean. La sortie et... de route. Mais dedans, tu l'as vu ou pas toi? Non, non, non. Ah bah alors. J'ai adoré. Vraiment, il faut que tu le regardes, Adrien, parce qu'il y a Jean-Pierre Moi, Bacri. J'ai entendu, oui, voilà. Il y a un grand Bacri en plus. Mais il y a un Bacri. Ça n'existe pas, hein, pas un grand Bacri. Ouais, c'est clair. Ça mais il y a un Bacri qui est extrêmement touchant, par contre. Okay. Pas loin de, du goût des autres en termes d'émotion, quoi. On est vraiment sur quelque chose. J'ai déjà envie de chialer juste à la description. Où il joue un oncle. Non, mais c'est un film qui m'a bluffé de. Alors, en gros, pour vous raconter l'histoire, c'est Diane Curis qui, je pense, raconte sa vie, mais en gros, qui raconte les vacances d'enfants alors que leurs parents se séparent. Donc, ils sont beaucoup avec leur oncle et leur tante. Ça se passe dans les années 50. Et ça se passe après la guerre dans les années 50. Okay. Et du coup, tout est du point de vue d'enfant. Ce qui est assez dingue, c'est l'écriture des dialogues où c'est que des phrases qu'on a tous entendues en vacances ou des trucs. Tous les trucs de le point de vue de l'enfant en fait est vachement bien géré parce que tu vois vraiment tu te dis je m'en souviens en fait quand j'avais 11 ans, c'était exactement ça que j'avais en tête. Tout ça est très bien écrit, donc ouais, Zabou et Bacri jouent l'oncle et la tante qui sont très très drôles et en même temps très touchants. Et c'est sur Canal+, enfin My Canal en ce moment et c'est vraiment un super film, enfin vraiment La Baule les Pins, c'est la vie en anglais. Mais il y a souvent des bons films qui se passent à la boule parce que moi il y a un film que je détecte, que j'aime bien qui s'appelle 15 août. C'est bon, plus populaire. Non mais c'est plus populaire moi, pour le coup. Août, mais j'adore 15 août, je trouve ça trop bien. Mais je trouvais ça génial qu'ils aient fait un film sur le 15 août. Mais je pense qu'il y a une rendez-vous, il y a un rendez-vous producteur où il faut quand même expliquer l'histoire derrière. Genre je vais adapter le 15 août en film. Oui. Le 15 août, le juste week-end ça. Du 15 août. Oui, exactement. Non, mais il est très drôle ce film. Bon, bah écoutez, merci beaucoup. On va faire un dernier tour de table de l'actualité de chacun. Douli, tu as repris ton spectacle. Et oui, et venez, hein, passe sanitaire, tout ça, parce que c'est vrai que c'est pas. Moi, j'ai pas forcément un public Drucker, si tant est que j'en ai un. Mais, il faut venir, mes petits culs. Alors, c'est quoi? C'est le jeudi, vendredi jeudi, et samedi. Jeudi, vendredi et samedi, à l'heure du Dijon, hein, 21h15. Mais ça, c'est bien, parce que des fois, il y a des spectacles qui sont à 20h, et du coup, c'est un peu la course, c'est après un le travail. Entre les deux, ouais. Non, ouais, 21h15. Non, c'est mais au point de virgule. De toute façon, il faut avoir pris un petit apéro avant quand même. c'est important. Et c'est au point c'est virgule. Au point virgule, ouais. Et c'est jusqu'au combien? C'est jusqu'à décembre. Jusqu'à décembre. Mais, jeudi, vendredi et samedi, point virgule, jusqu'à décembre. Et comment s'appelle le spectacle? Alors, il s'appelle pas vraiment en fait. Alors, enfin, c'est ce que j'allais te dire, qu'il a plusieurs titres sur internet. C'est-à-dire que, mais c'est n'importe quoi, tu vois, cette gestion est minable. C'est-à-dire qu'à la base, il s'appelait L'addiction, c'est pour moi. Ouais. Il a changé là. Ouais, t'as vu, fin jeu de mots. Hein. J'aime bien. Ensuite, il s'est appelé Admettons. Mais finalement, là, il a plus vraiment de titres. Et il a pas d'affiche non plus. Non, on est pas sur une promo. Et elle ne sera pas sur scène non plus si tu. C'est-à-dire que là, non mais je les félicite tous les soirs, hein, dès que j'arrive déjà, bravo d'être là, hein, parce que même les humoristes qui jouent au point virgule ne savent pas que je suis programmée, hein, enfin, c'est une catastrophe. Bah donc venez, c'est allez-y, vraiment, c'est très drôle, enfin moi j'ai vu que des extraits du coup sur des scènes ouvertes, mais c'est toujours trop marrant. Bah merci, donc, avec du jeudi au samedi, attends. Au point virgule, à 21h15. Ouais. Merci. Ornella. Oui. Programme court sur Canal+. Écoute, oui. Ils ont dit. Totalement. Voilà, comme tu as dit, tous les samedis, c'est ça? Pas du tout, j'ai pas du tout dit ça. Du lundi au jeudi. Oh, ça va. Vous êtes nombreux. Ah oui, excusez-moi. Du lundi au jeudi à 20h25, en clair, je précise bien, clair, ouais, c'est important sur Canal. Dire, ouais. Voilà, ouais. C'est en clair. Et ensuite, il y a une diffusion un petit peu parallèle sur les réseaux. Ah, bien ça. Cool. Voilà, deux par semaine sur les réseaux. Trop bien. Voilà. Trop bien. Donc ça va durer un petit peu plus longtemps. Et il y a tout sur MyCanal ou pas encore? Oui, en fait, dès que c'est diffusé sur Canal, ouais. Ensuite tu peux le retrouver direct sur MyCanal. Non, mais c'est bien parce que nous, je sais que Peach avec le Kaplan, ils avaient tout foutu d'un coup sur MyCanal, ce qui était un peu. Bon, les gens le bouffaient en un après-midi, quoi. Ah, enfin, oui, en, d'accord. Deux, en une heure même. Non, nous là, non. Du coup, là pour l'instant, il y en a 5, d'accord. Si je ne me trompe pas. Et voilà. Et le 6e, ce sera lundi. D'accord. Est-ce que vous continuez à faire la post-prod ou tout est fini là? Quasi. On va dire que tout est fini. C'est d'accord. Bon. Okay. Ouais, d'accord. Là, c'est bon. Très bien. Jean-Baptiste, tu as un livre qui est sorti il y a quelques temps. C'est ça, qui est sorti il y a 6 mois, un livre qui parle de ciné, sans film, sans histoire. Alors, est-ce que tu peux nous dire un peu ce que c'est? Ouais, un peu l'idée, c'est de dresser une liste de 100 films et de raconter pourquoi ils m'ont marqué, pourquoi ils m'ont accompagné. En fait, pourquoi le cinéma est un compagnon de route pour moi, et pour tout le monde d'ailleurs. Ben, c'est ce que j'allais dire, c'est que moi, c'est ça que j'aime bien dans ce livre. C'est-à-dire c'est pas une autobiographie. Enfin, c'est ça peut avoir ce côté-là, parce que tu parles de tes souvenirs. Mais les souvenirs sont un peu universels. C'est ça, avec le cinéma, c'est que c'est quand même des souvenirs assez universels. Ouais, d'ailleurs, on avait fait une vidéo il y a pas longtemps sur la chaîne où, en gros, les gens parlaient de leurs souvenirs de ciné quand ils étaient enfants. Il y avait un truc qui revenait un peu souvent, c'était le mercredi après-midi et le McDo plus le ciné. Ouais, bien sûr. Ouais. Et du coup, c'est un truc qu'on a un peu tous partagé. Ah, carrément. Et donc, ouais, il y a ce livre qui est encore dispo. Mercredi, je sors une vidéo dans laquelle je reviens sur la carrière d'Al Pacino, hein, Tabs. Oh, voilà. Et puis, plusieurs clics droits vont être faits. Des infos croustillantes par-ci par-là. Oh, très bien. Ah, génial. Voilà, puis il y a le podcast We Love TFTC. Il y en a un qui est sorti il y a 2 jours. Dans attends, t'es dans le futur ou t'es dans le passé? Parce que tu sais, là, nous on sort le lundi. Hein. Ah oui, mais il est sorti. Bon, il est sorti, il est dispo. Voilà. Il est dispo. Dans lequel on parle du film The Wrestler avec Vincent Tirel et Aurélien et Guillaume. Et puis, bah voilà les cours que je vais préparer dans pas longtemps. Très bien. Est-ce que tu as posté d'autres photos de toi enfant sur les réseaux ou... Parce que moi, c'est ma petite. Non, mais c'est ma petite sucrerie. Oui, Adrien aime bien que je poste des photos de moi enfant. Non, j'ai arrêté de le faire, mais par contre, ce que je peux faire, c'est de les envoyer en MP. Bah, je vais bien rajouter un zip. Bah, voilà. Un zip. On va faire un Discord juste de photos d'enfants. Des... voilà. Adrien? Oui, moi toujours La Bonne Auberge tous les premiers dimanches du mois et sur YouTube après divisé coupé en 4 épisodes. On va faire un épisode là, alors pas spécial Bonne Auberge, mais avec tous les membres de La Bonne Auberge. Fait. Très bientôt là. C'est du jeu de rôle en direct sur Twitch. Ah c'est marrant. Twitch, donc du coup moi que je reprends à mon propre compte, voilà des petites discussions, des petits trucs. On monte dans les aigus. Voilà. Toujours, je sais pas quand ça sort, mais Visitors de Simon Astier, Derby Girl saison 2 qui va sortir un de ces jours aussi. Hors de lui. Et puis, La Petite Histoire de France, un jour aussi. Les tournages, ça dure jusqu'en novembre, donc ça va peut-être pas sortir tout de suite. Ouais, alors c'était quoi La Petite Histoire de France? Je connais pas. Enfin, le titre me dit quelque chose. Mais... Le principe, c'est en fait, c'est des scénettes très courtes et c'est des couples à travers l'histoire, différentes périodes de l'histoire. Franchement, c'est un gars, une fille et Kaamelott, quoi, mélangé. C'est ça. C'est un savant mélangé. Ça. En fait, tu suis plusieurs. C'est souvent des couples, pas que, mais je crois que c'est souvent des couples. Bah oui, là-bas, tu joues un couple gaulois. Voilà, moi, je suis un personnage, parce que j'ai pas eu le casting. donc j'ai un personnage secondaire. Je suis un des personnages secondaires qui est le mec qui est chargé des travaux, mais qui est nul. Donc je joue un nulard qui n'arrive à rien, et etc. Si La Petite Histoire de France était Hit, il joue Val Kilmer. Ce qui est quand même pas mal. Je l'ai pas vu, Hit. Hit. Hit. Hit. Ça a jeté un froid terrible. Tu parles de Hit ou tu parles de Hit de Stephen King? Oh là là! Ah, pas mal ça! Il est bilingue ce mec. Ouais. Et bien, quant à moi, le spectacle de Baptiste Le Caplain que j'ai eu la chance de coécrire avec lui, qui est en rodage encore, qu'il est en train de jouer, enfin quasiment fin de rodage. Hein, là, si vous y allez, ça va être plus ou moins ce qu'il va jouer après. Il y a 3 dates. Au Jardin Sauvage, alors plus que 2 d'ailleurs, parce que j'ai vu que vendredi était complet. Parce que si vous écoutez ce podcast cette semaine, donc c'est vendredi, samedi, dimanche là, et donc je vais vous dire les dates tout de suite, mais évidemment, je n'ai pas préparé, parce que je prépare une émission, mais je prépare pas ma promo. Bah, oui, parce que j'ai vu, c'est vendredi, samedi, dimanche. Vendredi, samedi, dimanche, nous parlons du mois de septembre, bien sûr, et c'est le 24, 25, 26, mais le 24 c'est complet, donc le 25, 26 il sera au Jardin Sauvage, donc c'est petit mais où il finira de roder ce spectacle, et comme souvent parce que j'ai fait la promo sur Instagram, donc je reçois, ok mais il passe quand à Nantes et à Nancy et à Marseille, vous googlisez, voir les gens Baptiste Le Caplain, il y a plein de dates, alors forcément avec le confinement il devait jouer tout en 2020, donc autant vous dire que ça a été un peu repoussé à droite à gauche, mais voilà, il passe un peu partout, donc vous tapez voir les gens Baptiste Le Caplain. Et c'est un spectacle qu'on a co-écrit ensemble et qui, voilà, j'en suis très fier. Je trouve que c'est rigolo. Je trouve que c'est son spectacle le plus fou et en même temps le plus personnel. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Mais après, je suis pas le bon juge. Mais nous, on s'est beaucoup amusé à écrire ça et j'espère que ça vous plaira. Et sinon, j'ai vu qu'ils avaient commencé le tournage de la saison 2 de La Flamme, sur laquelle j'ai écrit quelques trucs. Alors beaucoup moins que la saison 1, puisque j'ai pas écrit l'histoire, les personnages, tout ça. Moi, j'étais sur d'autres projets. Mais j'ai pu écrire un peu les dialogues dessus. Donc il y a certaines blagues un peu connes que j'ai pu écrire. Donc j'étais très content de faire ça. Et je crois que c'est tout. Et toujours la BD, Oli et l'Alien, tout ça. Et voilà. Et c'est déjà très bien. Bah, merci beaucoup, tout le monde. Merci. Prenez soin de vous. Et puis à très bientôt. Au revoir, tout le monde. Oui. Ciao. Ciao. Il s'agissait du Flow de Cast. Pardon.